you came for. Lightning strikes every time she moves. Virgin Radio, bientôt 6h, restez bien là, Camille sera là dans un instant, juste après ça. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Plein de courage, merci d'avoir choisi Virgin Radio. C'est mardi aujourd'hui, il est 6h. En écoutant et seulement en écoutant Virgin Radio ce matin, vous avez 10 fois plus de chances d'avoir le petit déj offert par le patron en arrivant au boulot. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bisous Fredo. Il est 6h sur Virgin, Camille arrive dans un instant, ce sera juste après les infos. Fredo qui est le patron de Virgin Radio. Avant ça, à 6h, l'actu avec Tristan Fass. Sarah, c'est partout en France. Salut Robin, bonjour à tous. Le mauvais temps, on va se prolonger aujourd'hui sur toute la France. Des averses ce matin et des orages attendus en milieu de journée sur quasiment tout le pays. Des éclaircies uniquement sur le sud-est. 19 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 23 à Marseille et 26 à Nîmes. Un combattant de l'État islamique a tué un couple de policiers hier soir à son domicile de Magnanville dans les Yvelines. L'agresseur a d'abord poignardé le commandant de police de 42 ans en civil devant sa villa avant de se retrancher dans la maison où la femme a ensuite été retrouvée morte. L'assaillant a été abattu par les policiers du raid qui ont recueilli le fils du couple âgé de 3 ans sain et sauf. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. François Hollande a promis toute la lumière sur ce drame. Une réunion est prévue ce matin à l'Élysée. C'est le jour J pour les opposants au projet de loi travail. Les manifestants sont attendus par milliers ce mardi à Paris pour la première mobilisation nationale depuis le 9 mars, début de la contestation. Il y aurait plus de 600 cars affrétés dans toute la France pour gagner la capitale. Le cortège partira vers 13h15 de la place d'Italie en direction des Invalides. Une cinquantaine de manifs prévues aussi en région avec la poursuite de la grève à la SNCF. 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10 et une mobilisation aussi des taxis à Paris et au autour des stades de l'Euro. À propos d'Euro 2016, des peines de prison ferme prononcées hier après les violences entre hooligans ce week-end à Marseille. 35 blessés. De son côté, l'UEFA rendra son verdict aujourd'hui contre la Russie après les débordements au Vélodrome. La Russie qui risque de débuter les qualifs pour l'Euro 2020 avec des points en moins, une sanction ferme ou avec sursis. Une minute de silence observée hier à 20h30 dans les fan zones. Un recueillement en mémoire des victimes de la tuerie à Orlando aux États-Unis. Orlando, où le président Obama se rendra ce jeudi pour rendre hommage aux familles des victimes. Une attaque inspirée par les djihadistes. La thèse du loup solitaire reste privilégiée. C'est la journée mondiale des donneurs de sang ce mardi. Opération organisée tous les 14 juin depuis 2004 et soutenue par Virgin Radio. C'est gratuit et sur la base du volontariat. Pour vous renseigner, un clic sur le site jedonnemonsang.net. L'événement de ce début d'été à Paris, c'est Electro Summer, le 5 juillet sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Une énorme soirée avec 8 grands noms de l'électro, dont Robin Schulz, Cassius, Bob Sinclair ou encore Breakbot. Au moins 30 000 personnes attendues. Electro Summer le 5 juillet, les billets sont déjà en vente à 29,50€. Et puis l'Euro de football, belle victoire de l'Italie, 2-0 hier face à la Belgique. L'Espagne s'est imposée 1-0 sur la République tchèque. L'Air et la Suède ont fait match nul à but partout. Deux rencontres aujourd'hui, Autriche-Hongrie à 18h. À Bordeaux et Portugal-Islande à 21h à Saint-Etienne. L'occasion de voir Cristiano Ronaldo dans le chaudron. Et puis la finale du championnat de France de basket, Strasbourg-Villeurbanne, ça se joue ce soir. Les équipes sont à égalité, 2 manches partout. Et ce 5e match sera donc celui de la victoire. Coup d'envoi 20h30 en Alsace où Tony Parker a fait le déplacement. L'ASVEL remporte quasiment tous ses matchs quand le boss est là. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Bonjour à tous, je suis Sylvia de Paris, nous sommes le mardi 14 juin et c'est mardi dans mon lit. Avec Camille, ouais, c'est Camille Combert, bonjour la France. Bonjour. Ça va, à cette heure-ci, c'est les jeunes sont pas encore réveillés, on peut chanter du Jesse Garonne, quoi. Ouais. Le loli, le mari. J'adore tout le monde. Oh là là là là là là. Elle a pas vieilli. Bah les jours n'ont pas changé. Bah non. Jessie Garonne est toujours d'actu. Salut à tous, bisous ma Sylvia. Salut, comment ça va? Je suis ravi de t'entendre. Qui chante dès 6h du mat? L'équipe, comment elle va? Très bien. On dit bonjour à Sylvia alors. Bonjour, bonjour Sylvia. Ah mais Clément. Bonjour Sylvia. Ginger sur les réseaux. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Pauline au standard. Bonjour Sylvia. J'ai l'impression que c'est les alcooliques anonymes. Nico du bureau. Et bonjour Sylvia. À cette époque-là, il y avait aussi les forbans. Vous rappelez? Il y en a, il y en a qui chantaient. Il y en a qui chantaient sur une contrebasse. Ah ouais. Bébert. Non, Bébert, c'est le chanteur, mon pote. Il y avait les vagabonds aussi. Ah là là là là là. Ils chantaient quoi les vagabonds? Le temps des yéyés. Et souvenez-vous les gars, c'était les jours heureux. On chantait tous dab dab dida dab dab. Je connais pas du tout. Oh là là là là, là. Rien ne vaut les formants, c'était le meilleur. Il y avait. Chantez mes tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi et tout le monde chez moi. Et un soir, ça swing dans le living room. Tu commences à connaître les couplets. Ouais. Oh, c'est quand même dur. Hein. On avait des living rooms à l'épaule. Ben, bien sûr, à l'épaule. Oui, sur l'épaule. Parce qu'à l'époque, on les transportait. On avait des living rooms à l'épaule. Les amis, on est très heureux de vous retrouver. On a un loyer à vous offrir. Loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça va arriver très très vite dès 6h20. On aura un premier gagnant ou une première gagnante en direct sur Virgin Radio. Ce matin encore aussi des séjours partout en Europe. Brittany Ferries. Et des packs smartphones et tablettes. Édition limitée équipe de France. Oh, ça c'est classe. Pas mal, hein. C'est Franck Ribéry qui fait le correcteur d'orthographe. Ouais. On est mal. La retourne va tourner. Massilia, là je suis ravi de t'entendre. T'as fait quoi hier soir? Moi j'ai bouquiné hier soir. Confession d'une accro de shopping. Ça me parle. C'est quoi comme livre? C'est ce qu'on appelle des suites en fait. C'est des films pour les des films, des livres pour les nanas. C'est très sympa, c'est très rigolo. C'est comme des tutos. En fait, ouais, voilà. C'est quoi le dernier livre que vous ayez lu, tiens, l'équipe? Confession d'une accro au shopping. Donc pour Sylvia, le dernier livre que vous avez lu, Laure? Moi je l'ai là. Clé pour un monde meilleur. Et ça parle de quoi? Des clés pour un monde meilleur. C'est un sérieux qui. C'est l'histoire de Passe-Muraille de Fort-Boyard. Non, ça parle de non-violence. D'accord, ok, bah très bien. Clément, le dernier livre que t'as lu? Tom Tom sur Rebif, c'est Tom Tom et Nathan la du jeune lien en CM1. Non, en vrai, j'endormais son. Sur Rebif. Et alors? En vrai, j'endormais son. Et alors? Bah, il est génial. Ah, il est brillant. Il est Mon bien. Dieu, que cette vie fut belle, ça s'appelle. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ginger, le dernier livre que t'as lu? Moi, je suis en train de relire L'égoïste romantique de Beck BD. C'est très intéressant. Oh là. Les garçons devraient le lire. Ah, j'adore Beck BD. Moi, c'est France Football. Édition spéciale Euro, bien sûr, avec Giroud en couverture, passionnant. Non, je lis pas beaucoup, moi. Pauline au standard? Moi, c'est La tête ailleurs de Nicolas Bedos. J'adore. D'accord. Ah, ouais. Et alors, attention, Nico du Balto, Nico du bureau. Le dernier, tu lis un peu, toi, ou t'es comme moi? Je suis un peu comme toi, mais par contre, j'aime bien avoir des bouquins à la maison. Ah, bah oui, mais moi aussi. Et il y a un pote qui m'a passé Millennium. Tu vois ce que c'est, Millennium? Ouais. Ah, c'est le film. Ouais, mais moi, pareil, mais moi, il y a le film avec Daniel Craig, je regarde le film. Ah, le livre? Bah, le livre, il est très épais. Bon, j'en suis à la deuxième page, mais j'ai commencé quand même. Ah, c'est bien. Je vais quand même te passer le DVD. Ouais. À mon avis, ça finira forcément comme ça. Quoi? Bah, ça finira. C'est-à-dire? Non, mais t'as failli dire un truc, c'est quoi? Non, j'ai failli dire, ouais, non, mais je vais certainement regarder le DVD. Mais oui. Enfin, si tu me rends tous les DVD que t'as, oh, ça moi. Va. Non, j'ai deux DVD à toi. Ouais, celui-là et Un jour sans fin. Oui, bah, je sais, bah, je sais. Oui, Clément. Est-ce que c'est déjà arrivé l'inverse? Un mec, il a vu un DVD, il l'a trouvé sympa, il a écrit l'histoire. Non, mais il y a toujours quand tu sors d'un cinéma. Ça arrive pas. Si t'as raison, Sylvia. Mais à chaque fois que tu sors d'un cinéma, dans la queue, tu sors et t'entends toujours quelqu'un dire ouais, enfin, ça vaut pas le bouquin parce que ça rentre pas assez dans le truc. Mais gars, qu'est-ce qui est l'intérêt? C'est de voir le film au cinéma. T'as pas à réfléchir, t'as tout, t'as le son surround, t'as tout ce qu'il faut. C'est magnifique, Pauline. Mais ce qui est un peu nul, je trouve, dans les DVD adaptés des livres, c'est que c'est beaucoup moins trash et beaucoup moins bien exprimé que dans le livre. C'est-à-dire que Millennium, par exemple, en film, ça va, il est hyper. Ça fait partie hyper de ces gens-là. Je l'ai trouvé hyper bien, moi. Livre, ouais, non. C'est hyper trash, comme Fifty Shades of Grey. Ah, c'est en livre, c'est hyper trash. En film, c'est de la soupe, quoi. Enfin, c'est trop gentil. J'ai vu aucun des deux, Laure. Non, mais elle est obsédée par ce bouquin. Bah, ouais. Alors, c'est vrai que quand tu lis, t'as ton propre imaginaire. Et que tout d'un coup, quand tu vois le film, bah, bon, bah, ok. Bah, il était bien, non? Il a quand même marché, 51 degrés. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'était gentil, quoi. Hein. C'est gentil. Ah bon, par rapport au bouquin. Ouais, c'est mignon. Oh, oui, Nico du bureau. Ouais, mais tu t'imagines pas les choses comme ça. Dans Fifty Shades, tu vois pas la fille de cette manière-là. Quoi, t'as lu Fifty Shades de Grey? Ouais. Wow. Non, mais je l'ai lu. Bah oui, mais tout le monde d'accord en parle au bout d'un moment. Non, mais y a pas de soucis, Nico. Non, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Est-ce que t'aimes la mangue? Non, je déteste ça. T'as fait 50% du chemin. Mais j'adore le gingembre, par contre. Ah bah, ça peut marcher, oui, alors. En plus, Simon, parce qu'il adore la mangue, je lui ai fait de la mangue mozzarella, il adore ça. Ouais, plus pour la mozzarella. De se faire attacher au lit aussi, parce que je suis venu chez lui l'autre jour. Fous-moi ta mangue dans la gueule. Sylvia, je t'embrasse très fort. Merci d'être avec nous le matin. Merci de nous avoir mis les. C'était pas les forbans, c'était. Wap-pomp. Non, Jessie Garonne dans la tête. On t'embrasse très très fort. On va quand même mettre un petit peu du vrai pop rock électro avec Bob tout de suite. Allô, excellent réveil sur Virgin Radio. mercredi aujourd'hui. Bienvenue dans le Virgin Tonic. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Bon réveil à vous. Hein. Merci de nous choisir pour bien débarrer vos journées le matin. Je viens de voir une étude sur le site de Cosmo. Ouais. Cosmopolitan. Selon eux, les femmes préfèrent les hommes barbus. C'est vrai, moi je préfère. Ouais. C'est à la mode. Aussi. Alors Clément et moi, on est comment? Barbus. On est barbus. Donc vous nous aimez bien. Oui. C'est vrai que c'est à la mode. Alors sur l'étude porte quand même sur 2000 femmes. Messieurs, si vous n'avez pas encore la barbe, il faut vous y mettre. Elle a montré que généralement les hommes barbus étaient mieux notés que les hommes sans barbe blanc. Bah ouais, moi Juju, il a toujours la petite barbe de 3 jours, j'adore. C'est quoi le petit truc, tiens, physiquement, là je vais demander aux 3 filles de l'équipe, le petit truc physique qu'un homme doit avoir pour vous plaire physiquement? Une petite cicatrice, un petit défaut qui fait bad boy. Ah ouais? Ouais. Petite balafre et bagarreur. Juju, il a une petite balafre là et puis il a le lobe de l'oreille coupé un peu en deux. Oh, ah, ça, c'est un piercing. Hein. Non. Il s'est charqué dans la cour de récré en deuxième section. Comment on appelle ça? Moyenne grande section. Ouais, voilà. Moyenne section. Maternelle. D'accord. Ouais. Pauline, au standard. Moi, avoir les épaules plus larges que moi. Avoir des épaules très larges, même. J'adore. Bah, ouais. C'est souvent quand même, Clément. Épaules larges, cicatrices, barbe. Pour l'instant, je suis au top. Hein. T'as quoi comme cicatrice, toi? Bah là, regarde. Au niveau de l'œil. Ouais, c'est vrai. T'as fait quoi? Bah, je l'ai faite quand je savais qu'on allait parler de ça. Et... j'ai pris une porte quand j'étais petit. Dis-leur, quel est le défaut physique qui te plaît à toi? Qu'a peut-être ton mec Richard à Toulouse? Juste en qualité, ouais, moi, il faut qu'il ait quelques centimètres de plus, en fait, vraiment. De en taille? Grand. Ah oui, en taille. Ah oui, c'est mieux. En taille, dans ce cas, je vais y aller. Alors, Ginger, t'es très grande, tu mesures combien? 1,76. Et alors? Et ouais. Ah, faire plus d'un mètre 76 pour plaire à Ginger. Ouais. Il mesure combien, Richard? Ah, il est très grand, Richard. Il fait 1,93 m. Oh ouais. Wow. Ah, c'est la classe. Oh là là là. Ouais. Et il peut te prévenir quand il pleut. Ouais, c'est clair. Ah, attention, pluie pour toi d'ici 20 minutes. Oui, Laure. Mais on a dit qu'on l'appelait Richie. Ah, c'est vrai. Richie. Ouais. Richie ou la belle vie, bien sûr. Restez avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on va écouter Charlie Puth. Ça va arriver dans 2 secondes à peine, vous êtes dans le Virgin Tonic. Votre loyer aussi à gagner, vous le savez, hein, dès 6h20, loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. À tout de suite. 6h, 9h30, Virgin Tonic. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à -50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Chérie! Mais t'étais en train de regarder la télé? Hein? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL 9, tu sais. Du cinéma? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL 9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs c'est de la télé, sur RTL 9, c'est du ciné. RTL 9 est disponible sur CanalSat, Orange, Bis Télévision, Free, Bouygues Télécom, SFR et Numéricable. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça. Pour votre nouveau contrat auto ou moto, souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et un ciel électrique encore aujourd'hui à travers tout le pays. Des averses ce matin, des orages en milieu de journée et puis quelques éclaircies sur les régions bordées par la Méditerranée. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 16 à Brest, 17 à Deauville, Beauvais, Rennes, Nantes et La Rochelle, 18 à Colmar et Chambéry, 19 degrés à Paris et à Strasbourg, 20 à Bordeaux, Biarritz et Toulouse, 21 à Valence, 22 degrés à Lyon et à Nice, 23 en Corse, 24 à Marseille et Perpignan et la maximale 25 degrés pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro. En image. Hi, this is Lenny Kravitz. Salut, c'est Christine and the Queen. Salut, c'est Julien Doré. Hi, this is Sia. Regardez-moi. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Chaîne 93 de votre box Bouygues Télécom. Sur Dailymotion. Et sur VirginRadio.fr. Votre nouvelle chaîne 100% musique. 100% musique. C'est Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Cet été, le meilleur de la scène électronique mondiale est au Festival des Plages électroniques avec Virgin Radio du 4 au 6 août. À Cannes, Deep House, Trap, Techno, Electro, Best Music. Les pieds dans le sable. Let's go! Avec DJ Snake. Hey, c'est DJ Snake sur Virgin Radio. Nina Kravitz. Chani. Birdie Nam Nam et bien d'autres sur la plus belle plage de la Croisette et le rooftop du Palais des Festivals. Toutes les infos sur plage-electronique.com et virginradio.fr. Les plages électroniques, les 4, 5 et 6 août à Cannes. Un festival Virgin Radio. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous êtes ici à la maison, vous êtes ici chez vous du lundi au vendredi, bien sûr, 6h-9h30, avec votre loyer qui est à gagner toutes les heures. Le premier tirage, c'est maintenant à 6h20, puis 7h20, 8h20 et 9h20. 4 tirages par matinée. Il suffit de vous inscrire par SMS. Loyer au 7, 12, 13. Merci Clément. Merci Clément. De suivre un petit peu l'émission. Nous aussi. Double ration de pain au chocolat pour Clément. Merci. On aura la part de Pauline. Attention les amis, on y va. Premier tirage au sort de la matinée. Un garçon, peut-être une fille, que des gagnants hier. Hein. 4 à la suite, on est très heureux. Plus de 3000 euros de loyer payé hier. Ça sonne, je le dis avant que l'or me le dise. Merci à toi. Moi-même. Il faut décrocher, il faut répondre Virgin Radio. Si vous ne décrochez pas, c'est perdu. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Hélène. Hélène, j'ai une question pour toi. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Virgin Radio. Eh oui, il suffit de répondre ça, vous êtes inscrit par SMS et c'est gagné pour vous. Vous ne payez plus de loyer au mois de juin grâce à nous. Ça marche aussi pour les proprios. Hein. Ouais. Vous êtes propriétaire, ça vous rembourse une mensualité de crédit. Hélène, ma chérie, tu viens d'où? De Pouzauge. Oh, oh non. J'en profite pour faire un gros bisou à Clément de la part d'Émilie. Ah ben, bisous alors. Okay, attendez, j'explique quand même pour tous les gens qui nous rejoignent plus nombreux chaque jour, hein, qui nous découvrent. Pouzauges, c'est la ville natale de Clément, dans le pays de la Loire, non, pas très loin de Nantes. On connaît tous à Pouzauges. Alors, t'habites vraiment Pouzauges, Hélène? Ah oui, j'habite Pouzauges même. Alors, quelle rue? Alors là, je suis au Moulin Gémeaux de bas. Ouais, je connais bien, c'est pas mal de villages. Pas mal de petits villages. Bah, on se connaît tous, tu sais où j'habite? Oui. Ah, tu vois? Mais il habite où? Enfin, il habitait à la loge. Voilà. Oh là là. La loge. Tout s'explique. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Alors vous connaissez tous les deux, tu connais Clément ou pas? Mais en fait, c'est plus ma sœur. Hein. Ma sœur a traîné au collège avec lui. Faisait partie de la même troupe de théâtre. Donc j'ai appris à connaître Clément par rapport à ma sœur. D'accord. Il est sorti avec ta sœur? Ah non, pas du tout. Je ne sais pas. Ne dévoile pas comment j'étais, je vais être mal. Attendez, on en profite, on embrasse alors tous les gens évidemment du pays de la Loire et les habitants de Pouzauges, on parle très souvent, comme on parle souvent d'où on vient forcément. Clément, est-ce que on peut avoir le prénom de ta chérie de l'époque à Pouzauges? Oh, il y en a eu beaucoup, hein. Demande, je sais pas si justement elle l'a. Non mais au collège ou au lycée? Au collège, j'en avais une qui s'appelait Estelle. Mais Estelle, le nom de famille? Bah non, je vais pas le dire. Pourquoi? C'est Estelle Guiton. Estelle Guiton, si elle nous écoute, Clément vous fait des gros bisous. Estelle Guiton. Et alors, Hélène? Oui. Comment s'appelait ta sœur? Émilie. Émilie, tu t'en rappelles? Ah ouais, bah très bien. Et vous n'êtes pas sortis ensemble? Bah non, non, moi j'étais avec sa copine. Ah. J'étais toujours avec Julie, la copine d'Emily. Oui. Oh, c'est Beverly. Ouais. Ah, en revanche, dans la bande, je suis sorti avec les deux autres. Magali et Hélène. Et Thibaut. Les deux autres, voilà. Comme on dit. Et Hélène, alors je suis ravi vraiment de faire plaisir à quelqu'un de Pouzoge. On appelle comment les habitants de Pouzoge? Les Pouzogais. Les Pouzogaises. Et donc je te fais un chèque de combien cet après-midi? Moi je paye un loyer de 430. Eh bah c'est fait. Eh bah écoute, il est payé, ça nous fait très plaisir. Ouais, c'est génial, merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Bisous, ma petite Hélène. Au revoir, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, votez utile, votez Clément aux prochaines municipales. Exactement, très belle ville qui saura vous accueillir. Vous voyez, les loyers ne sont pas hors de prix, il y a la plage pas très loin. C'est vraiment très bien. Il fait toujours beau. Eh bien, Clément se présentera à la mairie de Pouzoge. Je vous le dis, on le fera élire à la prochaine municipale. Charlie Pouze tout de suite, One Call Away. Merci de nous avoir choisi. Prochain tirage au sort, c'est dans une heure pour le loyer sur Virgin. Hi, this is Charlie Pouze, I'm Virgin Tonic. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out. So take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. Cause I know I just wanna see your smile. No matter where you go, you know. C'est mardi, c'est le 14 juin et c'est Virgin Radio. Soyez les bienvenus, l'équipe est là bien sûr. La popo du standard. On est là tous ensemble. Tiens, j'ai plein d'infos, j'ai pas eu le temps de vous les faire hier. Ouais. Plein d'infos un petit peu, on pourrait croire inutiles, mais elles peuvent vous permettre de briller à la machine à café. Vous qui êtes peut-être déjà au travail, vous qui êtes déjà sur la route, réveillé en tout cas. Des petites infos pour briller en société. Et on va les partager avec Jérôme qui est déjà là au 3916. Salut Jérôme. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Bonjour. Alors je vous donne des infos, vous me dites si vous les connaissiez ou pas. Jérôme, est-ce que tu sais qu'on tombe plus souvent malade quand on n'aime pas son patron? Ah bah oui. Non, je ne savais pas. Ah oui. Faudra pas s'étonner que Laure fait angine sur angine. Ouais, ouais, ouais. Tu plaisantes, je suis toujours là, moi. Même quand je suis malade, je viens. Hashtag ben second degré droit. Hashtag premier degré. J'ai bien compris. C'est fou, non, quand même. Bah, ils somatisent, c'est normal. Puis c'est pareil avec les collègues, à mon avis. Ouais, tu sais, quand t'es pas heureux avec les gens avec qui tu bosses, t'as pas envie d'y aller. C'est vrai, moi, ça m'a surpris de dingue, quoi. Est-ce que vous saviez que la plupart des chasses d'eau, hein, ça vraiment, vous le sortez à un dîner, c'est que vous écoutiez le Virgin Tonic. Hein. Mm-hmm. La plupart des chasses d'eau sont en mi bémol majeur. Mais non. Ah ouais? Il y a une note. Il y a une note. Et la chasse d'eau, en général, c'est mi bémol majeur. Oui, Laure. Et la tonalité du téléphone étant là, on accorde nos ouais. instruments dessus. Exactement. C'est vrai, tu savais ça, Jérôme? Ah non, pas du tout. Vous m'apprenez quelque chose. Bah matin. Voilà, tu t'es levé avec nous, tu repartiras moins con. Quand même pratique. Est-ce que vous savez que simplement vous mettre dans l'esprit, vous mettre dans la tête que vous allez regarder votre film préféré, ça vous rend heureux, ça augmente l'endorphine, hein, la fameuse, c'est qui rend heureux, de 27%. Donc rien que de vous dire, ce soir je vais regarder mon film préféré, vous êtes heureux. Ah, c'est pas étonnant, ouais, c'est vrai que c'est pas étonnant ça. Et je trouve ça génial, Laure. Ouais, moi, rien que de me dire ce soir je vais retrouver mon mec, bah, ça sécrète de l'endorphine et je suis heureuse. Et voilà, et lui ça, pas du tout. Ouais. Lui ça sécrète de la thalasse. Nico du bureau. Non, mais je pense qu'elle a tort parce qu'au final, un film, tu sais quel va être le scénario, tu sais que tu vas passer un bon moment parce que tu connais, tu sais, il n'y a aucun risque en fait. Oui. Alors que si tu retrouves ton mec le soir, tu peux peut-être t'embrouiller. Et du coup, ça peut créer peut-être un conflit et moins d'endorphines. Il est malin, oui, Clément. Et ça marche avec les matchs. Tu sais, quand tu sais que la France elle joue, t'es un peu excité le jour même, t'as envie. Ah, tu peux être stressé aussi. Ouais, mais t'as hâte d'être à 21h. Ah oui, mais bon, là t'es stressé parce que tu connais pas la fin. Titanic, grosso modo, tu sais que ça coule à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Ah, bah oui, les amis. Et tiens, dernière petite info là pour toi, Jérôme, tu te la mets sur l'oreille. Des scientifiques ont appris à des singes à se reconnaître dans le miroir. Ils passent devant un miroir et se reconnaissent. La première chose qu'ils ont faite, c'est vérifier leur partie intime. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent, qu'ils savent la différence entre l'un et l'autre. C'est fou, c'est non? C'est génial. C'est, ouais, c'est pas mal. C'est magnifique. Je vous ai dit, ce serait la fille dernière. Non, mais nous, on ferait pas ça. On regarderait pas dans le miroir nos parties intimes. Enfin, faudrait être souple. On aurait l'air. Un grand miroir. Non, pour un grand miroir. Non, mais faut. Non, mais dans la. Je pensais dans la salle de bain, souvent c'est au-dessus de la lavabo. Faut pas monter debout, je m'enfonce. Okay. Allez, bisous. Il est si seul, Clément. Jérôme, je t'embrasse très fort, mon pote. Reste avec nous sur Virgin Radio. Ah là là, les trois mousquetaires. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Ça, c'est le pop rock électro que vous aimez. On revient, vous êtes en direct sur Virgin Radio. Virgin Radio. Info partout en France. Tristan Sarah, salut mon Tristoun. Salut. On t'écoute, tu démarres avec la météo. Hein. Oui Camille, bonjour à tous. Il va faire mauvais encore aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Pas mal de pluie un peu partout ce matin et surtout des orages attendus cet après-midi sur presque toutes les régions. Du soleil sur le sud-est, 21 degrés en moyenne cet après-midi, 19 à Paris et 24 à Perpignan. Un policier tué de plusieurs coups de couteau hier soir dans son domicile des Yvelines, près de Paris. Son agresseur se réclame du groupe État islamique qui s'est donc ensuite retranché dans la villa où la compagne de la victime, elle-même policière, a été retrouvée morte. L'assaillant a été abattu par les hommes du raid. Le fils du couple, âgé seulement de 3 ans, a été récupéré sain et sauf. Attaque revendiquée par Daesh, François Hollande tiendra une réunion ce matin à l'Élysée. Grosse pagaille en vue encore aujourd'hui à Paris et en région. Les opposants à la loi travail ont prévu de se rassembler au cœur de la capitale, mais aussi dans de nombreuses villes de province. La CGT s'attend à une énorme mobilisation. Alors que le texte a débuté lundi son examen au Sénat, plusieurs secteurs sont encore touchés par les grèves ce matin, comme la SNCF avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Mobilisation aussi des taxis à Paris, porte-maillot et sur le périphérique. Près de 700 000 élèves sur le pont demain pour le début du bac. Un examen que 58% des Français considèrent comme un rite de passage symbolique. D'après un sondage CSA pour Direct Matin, à peine 25% de la population estime que le bac est une clé indispensable pour entrer dans le monde du travail. Les 25-34 ans y croient beaucoup moins. Le salon E3 à Los Angeles, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Microsoft a dévoilé hier sa nouvelle console, la petite Xbox One S, proposée à $299 à partir du mois d'août. En attendant, un nouveau modèle de Xbox lancé à la fin de l'année prochaine, juste avant Noël 2017. Microsoft a aussi présenté l'option Play Anywhere pour ne payer qu'une seule fois pour des jeux accessibles aussi bien sur console que sur PC. Et puis la conférence des développeurs d'Apple, c'était hier à San Francisco. La marque à la pomme a décidé d'ouvrir son assistant vocal Siri aux applications extérieures. Siri qui sera aussi disponible sur les Mac. Parmi les nouveautés, l'appli Message totalement remaniée avec par exemple les mots remplacés automatiquement par des émoticônes. L'Euro de football avec deux nouvelles rencontres ce soir. Autriche-Hongrie à 18h à Bordeaux, suivi de Portugal-Islande à 21h à Saint-Etienne avec Cristiano Ronaldo. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Tous, guten tag, bienvenue sur Virgin Radio, l'équipe est là bien sûr. Oui. L'alors, le elle Clément, la popo du standard, on est là tous ensemble bien sûr jusqu'à 9h30, on vous lâche pas les copains, des cadeaux magnifiques à vous offrir dans un instant, appelez-nous au 3916, mais juste avant, attendez, juste avant de passer aux réponses à tout, juste avant aussi d'écouter le pop rock électro des Trois Mousquetaires, je voudrais vous partager avec vous une info qu'il y a. Ouais. Mm-hmm. Qui a son partenaire de l'équipe de France et ils sont gentils, on leur a rien demandé, tous les jours ils nous envoient une info concernant l'euro entre guillemets, voilà, et tout ce qui se passe en ce moment autour du foot. Okay. Alors nous on en parle très peu sur Virgin Radio, sinon Laure quitte le studio, voilà. Mais de temps en temps quand même on peut pas passer à côté, et là c'est une info qui est marrante puisque 55% des Français mangent ça pendant un match, pas genre une fois, à chaque fois qu'il y a un match. Laure, des chips? Non, non. C'est très simple. Très simple, des pizzas. Eh bah oui. Tu commandes des pizzas. Mais, ah oui. Bière, food, pizza. Bah oui. Mais ça paraît simple, mais vous imaginez ce qui veut dire que, par exemple, quand sur TF1 le match fait 6 millions et demi de téléspectateurs, oui. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a plus de 3 millions de Français en train de manger des pizzas. C'est un business de dingue, Clément. Et Pizza Hut, Domino's, ils engagent plus de monde ces soirs-là, en fait. Genre vendredi, oui, pendant le match France-Roumanie, je me suis dit, je vais être livré en combien de temps? Et comme d'habitude, ils étaient livrés en 30-40 minutes, mais parce qu'ils ont plein de serveurs en plus de livreurs. Et surtout parce que toi, on rentre dans n'importe quel Domino's, t'es en client du mois. Ouais, bah, moi, j'ai des parts. Ouais, c'est des parts. Il y a clairement un télésiège qui part de Domino's jusqu'à l'appartement de Clément. Ouais. Oui, Nico du bureau. Ce qui marche le plus, en fait, c'est ce que tu peux manger et que tu peux partager. Parce que tu le fais avec les amis, donc la pizza, ça marche bien. Et les sushis, ça marche de plus en plus aussi. Mais voilà, il est malin. Moi, maintenant, il mange des sushis devant les. Ouais, les non, mais même Top Chef a tout changé maintenant. Hey, tu imagines, tu vas chez un pote à un match, il n'est pas à l'abri de te sortir des verrines. C'est vrai. Ouais. Ah, bah si, il faut les faire. Pauline, au standard. Moi, j'aime pas la pizza. D'accord, merci. C'est pas très bien. Je pense que c'est rare. Non, mais je pense que c'est rare, mais surtout, je pense que ça intéresse énormément de gens qui nous écoutent. Moi, je sais que ça n'arrête pas. Alors, je vous dis, hein, moi, mon Twitter n'arrête pas pendant toute l'émission de dire mais qu'est-ce qu'aime Pauline finalement? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce petit être plein de mystères? On aimerait creuser un peu, voir un petit peu ce qu'il y a sur la carapace du standard. Et ben voilà, elle aime pas les pizzas, par exemple. Très, très belle info, vraiment. Merci à toi, mardi, aujourd'hui et à cette heure-ci, comme chaque matin, c'est le réponse à tout. Tonic. Le réponse à tout de Clément Lacruz. Il descend dans la rue poser des questions aux enfants. Et ce matin, je leur ai demandé ce qu'était un limbago. Alors, ils ont chacun leur réponse, j'ai pas tout compris. C'est quoi un limbago? Aucune idée. Moi, je sais. C'est un zizi tout dur. Un limbago? Oui. Un limbago, c'est un bagage. Je sais. Un bagage pour aller où? Bah pour aller dans un wagon. C'est quand on a mal au dos? C'est un lingot d'or? Peut-être. C'est quoi un lambago? C'est quand on danse. C'est une danse, la lambago? Oui. C'est quelque chose qui nous fait pousser les cheveux. Une bague en forme de haut. Parce que t'entends limbago? Oui. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est dans les campings. C'est quoi? C'est dans les campings. Et c'est quoi? C'est des mobilhommes. Dans les campings? Bah oui. Le réponse à tout. C'est bungalow. Bien sûr. Les Trois Mousquetaires de mes propres ailes. Eh oui les amis, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Red Bull donne des ailes. Ils en boivent beaucoup et ils s'envolent sur Virgin. Bon réveil à vous tous. On les embrasse fort, ils sont venus plein de fois nous voir. Et franchement c'est des amours, ils sont très très drôles. C'est parti. Virgin. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Ce sera debout, mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel et jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un pont le vit vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis, je ne crains rien, plus rien du tout. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour jamais rien regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut, de mes propres ailes, voler de mes. Aujourd'hui, le 14 juin, j'espère que tout va bien pour vous, les amis. Je sais que vous êtes nombreux encore à la maison à passer sous la douche, à préparer le petit déj. D'autres sont en stress des examens, bien sûr. J-1 avant le bac, J-6 avant l'été. On pense en tout cas très, très, très fort à vous. Et au 39-16, on vous couvre de cadeaux. Vous le savez, là, on joue maintenant. Et ouais, nous, avant 7h, on a déjà des cadeaux magnifiques. Le smartphone Arcos avec la tablette édition limitée équipe de France. Le pack complet est à gagner tout de suite grâce au Brésil Game. Virgin Tonic. Le Brésil Game sur Virgin Radio. Hey! Seleção a tous! Comment ça va, Gustavo Brasil? Obrigado, bom dia, tudo bem? Feliz! Ça fait plaisir de vous voir! Eu é Soleil Capoeira Gatinho a tutu, si! Ah, je suis content! Vous avez ramené votre instrument, c'est quoi le nom déjà? Eh, hey, c'est la Quick! Pas mal, imaginez vous déboucher un évier, ça fait pareil, allez, déboucher un évier? Non! Ça fait exactement la même chose, oui, alors? Non, c'est comme on nettoie des carreaux! Ah ouais, allez, vas-y! Ah oui, vous non. Faites un câlin à votre mari qui échauffe l'été. Son crâne, ça marche, Clément. Tu enfermes un pote dans le coffre pour son entamement de vie de garçon. Et t'oublies de le laisser sortir. Je veux sortir. Alors Clément, rappelle-moi de rappelle-moi vraiment que tu ne sois pas de l'organisation de mon mariage. Très bien. Ok. Avec grand plaisir. Les amis, le Brésil Game, c'est Sébastien qui a été tiré au sort parmi plein d'appels au 39-16. Salut mon Seb. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Seba, quoi de neuf du côté de chez toi? Eh ben écoute, on se réveille tranquillement avec le Virgin Tonic. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Tu viens d'où? J'habite dans région parisienne. D'accord, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis contrôleur à la SNCF. Contrôleur à la SNCF, ouais. Très bien. Eh ben mon poteau, on va y aller avec toi. T'es pas en grève là? Non. On en est où de la grève d'ailleurs, mon poteau? Je crois qu'elle continue, mais je suis pas sûr aujourd'hui, je fais de repos, donc de toute façon. Quoi qu'il arrive, toi, tu contrôles. Grève ou pas, tu contrôles. Oui, Nico Dubio. Il y a quelques négociations qui sont prévues aujourd'hui, je crois. D'accord, bah merci en tout cas Emmanuel Macron d'être avec nous. De vous donner des infos au moment même. Oui, Gustavo Brasil. Je voulais quand même présenter mon assistant Toup Toup. C'est quoi qui fait les toup-toup? Allez voir, on filme tout, allez voir la vidéo. T'as vraiment une tête d'allemand en revanche, hein. Il n'y a pas du tout une tête de brésilien. J'ai pas l'accent. Ah bah merci à vous. Sébastien, on y va, premier extrait, donc c'est très simple. Hein. Gustavo Brasil reprend à sa façon des morceaux. Tu devras reconnaître le morceau original, d'accord? On est parti. On y va, le duo est reformé, Gustavo Brasil et toup-toup. On y va, c'est à vous. Je cherche le rouge, je m'entends là-bas. Pour quatre choses, cause Ipanema. Tout le monde est feliz, tout fait l'amour. Tchik tchik yai yai, pour t'y la foutre bon. Qui vous tout. Il est fort, il fait bien. Ça peut être une photo pénible. Mais attends. Oh là là là là, qu'est-ce qu'il y a alors? Mais le truc, on dirait ton rire. Vas-y. Ah mais oui. Ah, c'est trop fort. On vous engage, Camille Cobra. Oh là là, j'ai un rire de Brésilien, qu'est-ce que je vous dise. Alors c'est parti Sébastien, est-ce que tu as trouvé l'extrait? C'est un mélange brésilio-canadien, non? Ouais. La chanteuse c'était Céline Dion. Eh ben bien sûr c'est Céline Dion. On y va avec un deuxième extrait. Jouez avec nous vous aussi, hein, chez vous dans votre voiture. C'est parti, Gustavo Brasil, faut tout donner. Tout pouvoir. Je que faz a ver Copacabana, Ipanema, Celestão e Capoeira. Tô que vele a ser cheque cheque bume bume. Hoje está bem Corcovado, Ronaldinho. Pardon, Gustavo Brasil, je sais pas si vous faites pas arnaquer par votre assistant, je sais pas combien il prend sur vos compositions, mais il ne fait rien. 80%. Ah ouais, ah ouais. C'est peut-être un souci. Mon petit Sébastien, est-ce que tu as trouvé cet extrait? C'est facile, hein? C'est facile, ouais, je suis resté bloqué au Brésil alors, parce que je n'ai pas trouvé du tout. Oh non, c'était Adèle. Il était plus dur. Oh là là là là là là, elle était à Paris Bercy ce week-end. On vous a invité, Virgin Radio, vous avez eu des places toute la semaine. Écoute, c'est pas grave, on va y aller avec un dernier extrait. Là, t'as plus le choix. Faut absolument le retrouver pour pouvoir gagner ton pack téléphone ainsi que tablette. Sébastien, on ouvre les esgourdes, c'est parti. Soleil. Os passos que te bem está com o pesto feliz. Tudo bem, sapão. Tudo bem. Bel, bel, fique bom. Checa se o peço bem. Estou lá, feia, só vai. Tudo bem. Bien. Tudo bem. Tudo bem, samba. Chiquibaum. Eh hey, mais c'est un tube ça. Ouais. Bah oui, de base déjà. Mais oui, mais de le reprendre là en brésilien là, un peu samba, oui. C'est très joli. C'est franchement, je trouve ça très joli. Sébastien, mon bichon, est-ce que t'as trouvé? Alors, je suis très malheureux parce que j'ai l'air, j'ai tout, mais je n'ai pas le groupe et je suis vraiment triste. Alors vas-y, fais-moi l'air. On sort en vacances. Ah, son père. Ah ouais. C'est... Ah ouais. Ah ouais, c'est passif, hein, quoi. Ouais, ok. Bon, l'air, c'est plus un coup de vent, quoi. C'est, on n'y est pas tout à fait. C'était Madonna Holiday. Malheureusement, c'est perdu, mon Seb, mais on va te faire quand même un très très beau cadeau. Eh ben, c'est pas grave. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir. J'ai passé un super moment. Allez, le Brésil, allez, les Bleus. Oh là là. T'es tellement sympa, c'est gagné, tiens. Oh. Le smartphone et la tablette. J'allais pas faire gagner, mais alors là, t'es tellement gentil, Seb. Alors, même en perdant, t'as le sourire. Je t'offre le beau cadeau. Donc, c'est le smartphone Arcos 50 Cobalt et une tablette tactile Platinum édition limitée équipe de France avec des contenus exclusifs des Bleus, les dernières technologies 4G. Tu vas te régaler, poteau, d'accord? Ah, bah, c'est mon garçon et ma fille qui vont être super ravis. Bon, et on supporte les Bleus à fond. Allez, les Bleus. Eh bah, t'as un amour. Et voyez comme quoi, le sourire, ça apporte tout dans la vie. Mais merci. Eh bah, oui. Merci, mon Seb, encore à toi. Merci à Gustavo Brasil. Eh, félicitations. À bientôt, les amis. À bientôt. I follow Rivers, like l'un de mes morceaux préférés tout de suite. J'espère que ça va vous plaire aussi. Ça, c'est pour le pop rock électro sur Virgin. Follow. Baby,

quelquefois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. C'est mardi aujourd'hui, courage à vous tous. Je sais à cette heure-ci qu'il y a peut-être pas loin du travail, qu'embauché à cette heure, d'autres bossent depuis très très très longtemps, d'autres sont tout juste en train d'ouvrir les yeux. On vous souhaite beaucoup de courage. Dans un instant, un point sur l'actu, comme chaque matin à 7h. Puis la nouvelle question de ouf, ce sera juste après, à 7h05. On écoutera tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur, et surtout ce matin. Oui. Vous le savez, à chaque matin à 7h05, on a la news la plus importante. Et alors ce matin, elle est fantastique. Ok, tu la gardes au chaud. Je vous dis, hein. Je vais vous apprendre dans un instant sur Virgin Radio pourquoi est-ce qu'il y a des numéros au fond du verre du Ralex, celui qu'on avait à la cantine. C'est pas pour aller chercher de l'eau. Mais non, le fameux âge, le plus vieux va chercher de l'eau, ouais. Le plus jeune va chercher du pain. Eh bien sachez, j'ai la réponse, comme un dingue. Ce sera la news la plus importante du matin, c'est dans un instant sur Virgin. Je voudrais aussi souhaiter beaucoup de courage à ceux qui passent leur épreuve de bac demain. On est à J-1 avant l'épreuve de philo. Oh là là. C'est le moment des petits gris-gris. Ah là, c'est vrai. Là vraiment, c'est le moment tu il a raison Clément, tu stresses, mais en plus chaque signe te met en pression, même si t'es pas superstitieux, tu sais que t'as envie de petites choses très précises. Moi je me rappelle la veille du bac, j'avais cassé mon stylo plume. Et pour moi c'était, ça voulait dire ça, je n'aurais pas le bac. Normal, hein. Et tu l'as eu? Je l'ai eu, mais c'est des trucs de superstitieux. Moi je suis très superstitieux. Vous avez des trucs comme ça de superstition? Laure? Moi ce matin j'ai allumé une bougie parce que c'est le conseil de classe de ma fille aujourd'hui. Donc avant les contrôles importants et tout, j'allume toujours une petite bougie. Parce que t'as pas l'électricité, il faut se filer aussi. Bien sûr. Puis c'est son anniversaire, faut bien le voir et lui souhaiter bonne chance. Voilà, bien sûr. Est-ce que vous avez un petit truc de superstitieux avant un exam? Peut-être que là, actuellement, vous êtes à J-1 du bac. Puis peut-être que c'était il y a quelques années, on va se remémorer ça tous ensemble. Votre petit truc à vous, c'était quoi, toi, Clem? Moi, c'était. Alors, le bac, je pouvais pas le faire, malheureusement, mais pour les autres devoirs, je mettais toujours 3e rang au milieu. Comme ça, t'es parfait. Tu peux copier à droite, à gauche, devant. Pour copier. Et c'était vraiment. Mais non, mais du coup, à chaque fois. Et sauf qu'au bac, il t'impose une place. Oui, t'as une place définie. Ça marche pas. Pour standard. Moi, j'étais hyper superstitieuse. En fait, j'avais déjà un truc. C'était. Je posais en premier mon stylo bleu, mon blanco au milieu et le rouge. En fait, je faisais bleu, blanc, rouge. Je faisais la France. Je peux être comme ça. Et du coup, ça me sécurisait. Je me disais, c'est bon. Là, je l'ai. Et moi, par exemple, vous savez que si on fait. J'en suis arrivé à un point de. Si par exemple, on fait une émission en dehors de nos studios qui se passe bien, avec une certaine paire de bases, je vais remettre systématiquement cette même paire de baskets, quelle que soit, soit l'émission qu'on fait. Clément, Pourquoi j'ai mis le même t-shirt toute l'année dans le studio? Superstition. Oh, t'as pas été si bon tous les matins. Élodie, est-ce que toi aussi t'as un petit truc de superstitieuse avant un examen? Salut ma chérie. Salut Camille, salut à tous. Salut. Alors moi, je suis pas superstitieuse, mais l'année dernière, quand je passais mon bac, j'aimais bien avoir mon père au téléphone pour qu'il me rassure, pour qu'il me dise tu vas y arriver. Voilà, on m'appelait un petit peu la fille à papa, mais bon, voilà, il me rassurait. Ça fait du mal. Les parents, ils sont toujours là en soutien. Ouais. Oui, Laure. Enfin, les parents, moi, je suis comme elle, c'est mon père. J'appelle mon père pour me rassurer. Par contre, si j'appelle ma mère avant l'examen, je foire. Ah bon? C'est sûr. Elle me met trop de pression. Ah ouais? Trop de pression. Tu vas y arriver? Tu es sûr? Mais tu es sûr que tu vas y arriver? Non, mais c'est trop. Ah bah, surtout si j'appelle mon père, il sait même pas que je passe un examen. Quel examen? De quoi? Pardon, qui êtes-vous? Mise en examen. Clément. La limite, ouais. Romain, est-ce que toi aussi, tu peux être superstitieux avant un examen? Sois le bienvenu, mon pote. Merci de nous appeler. Oui, salut Camille. Alors moi, je suis pas superstitieux, mais je gardais ma montre Swatch devant moi, posée sur le bureau, et je la touchais en fait toutes les 10 minutes. Et ça me rassurait. C'est tout bête, mais bon. On est sur du toc là. En même temps, tu vois, j'avais, je contrôlais la durée de l'épreuve, et toutes les 10 minutes, je la touchais parce que je suis pas superstitieux, mais ça me rassurait. Et en fait, je contrôlais si la pile ne s'était pas arrêtée, quoi. Eh ben, ça, mais ça fait partie des trucs pour déstresser, Clément. C'est la technique des joueurs d'échecs. Tu sais, tu joues, hop, tu tapes la pendule, tu joues, tu tapes la pendule. Ah mais oui, c'est vrai. C'est ça. Ah, c'est vrai. Nico du bureau. Alors, moi, j'étais pas superstitieux, mais par contre, c'est vrai que même si je me suis beaucoup moqué de ceux qui mangeaient en cours, moi, j'avais toujours une barre de balisto violet. En fait, mais, donc c'est devenu une superstition. Mais, ouais, mais c'était voilà plus une superstition que pour manger. J'avais pas faim en fait, mais je me dis la barre de balisto violet, ça a marché pour le brevet. Et après, j'ai continué pour tous mes examens. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Alors, je vais vous dire un truc. Hein. On parle beaucoup des balistos jaunes, des balistos verts, mais ouais, les balistos violets, c'est très bon. Dur à trouver. Et très bon. C'est comment? Fruits des bois. Fruits des bois. Ah, c'est ça, un peu négligé. Mais ouais, trop je bon. Vous le dis. Ça, ça m'embête. Hein. On n'est pas là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière des balistos. Ouais, mais on laisse pas assez sa chance aux balistos violets. C'est très bien. Très bien, Nico Dubureau. Merci. Ouais. Bah, ça me fait plaisir. Romain et Odile, je vous embrasse. Nico du balisto. Merci à tous les deux d'être là. Et on va lancer le hashtag, vous savez quoi? Et pas spécialement examen. On lance le hashtag. Je ne suis pas superstitieux, mais réagissez-vous aussi, on en parlera tout au long de l'émission. Si y a Tube Plus qui arrive pour le pop rock électro, on fait juste un point sur l'actu, bougez pas. Pop rock électro. Les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah. On commence avec la météo, hein, Tristan. Oui, Camille, bonjour à tous. Le mauvais temps va se prolonger aujourd'hui sur toute la France. Des averses ce matin et des orages attendus en milieu de journée sur quasiment tout le pays. Des éclaircies uniquement sur le quart sud-est. Vous aurez 19 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 23 à Marseille et 26 à Nîmes. Un combattant de l'État islamique a tué un couple de policiers hier soir à son domicile de Magnanville. C'est dans les Yvelines, tout près de Paris. L'agresseur a d'abord poignardé le commandant de police de 42 ans en civil devant sa villa avant de se retrancher dans la maison où la femme a ensuite été retrouvée morte. Une attaque revendiquée par Daesh. L'assaillant a été abattu par les policiers du raid qui ont recueilli le fils du couple âgé seulement de 3 ans. Il est sain et sauf. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. François Hollande va tenir une réunion dans 3 quarts d'heure ce matin à l'Élysée. C'est le jour J pour les opposants au projet de loi travail. Les manifestants sont attendus par milliers ce mardi à Paris pour la première mobilisation nationale depuis le 9 mars, début de la contestation. Il y aurait plus de 600 cars à fretter dans toute la France pour gagner la capitale. Le cortège partira vers 13h15 cet après-midi de la place d'Italie en direction des Invalides. Une cinquantaine de manifs prévues aussi en région avec la poursuite de la grève à la SNCF. 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10 et une mobilisation aussi des taxis à Paris autour des stades de l'Euro. À propos d'Euro 2016, des peines de prison ferme prononcées hier après les violences entre hooligans ce week-end à Marseille. 35 blessés. De son côté, l'UEFA rendra son verdict aujourd'hui contre la Russie. Après les débordements au Vélodrome, la Russie qui risque de débuter les qualifs pour l'Euro 2020 avec des points en moins. Une sanction qui peut être ferme ou avec sursis. C'est la journée mondiale des donneurs de sang. Ce mardi, opération organisée tous les 14 juin depuis 2004 et soutenue par Virgin Radio. C'est gratuit sur la base du volontariat. Pour vous renseigner, le site jedonnemonsang.net. L'événement de ce début d'été à Paris, c'est Electro Summer. Le 5 juillet sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Une énorme soirée avec 8 grands noms de l'électro, dont Robin Schulz, Cassius, Bob Sinclair ou encore Breakbot. Au moins 30 000 personnes attendues. Electro Summer le 5 juillet. Les billets sont déjà en vente, 29,50 €. Et puis l'Euro de football, belle victoire de l'Italie de Buazzi. Hier soir face à la Belgique, l'Espagne s'est imposée 1-0 sur la République tchèque. L'air et la Suède ont fait match nul, un but partout. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Excellent réveil à tous les amis, 7h03, vous êtes bien sûr en direct sur Virgin Radio comme tous les matins. Merci, merci de nous choisir. Les copains, on est là tous ensemble avec vous. Oui. Courage à ceux qui ouvrent encore les yeux, courage à ceux qui sont déjà au travail, encore à la maison peut-être. Dans un instant. Enfin. Non, mais on arrête de présenter. Ouais. J'ai pas la news la plus importante du matin comme tous les jours à 7h05. L'info du siècle. J'ai l'info du siècle. La meilleure. Carrément. Dans un instant. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y avait un âge au fond des verres qu'on avait à la cantine. Un quoi? Un numéro, pas un âge. Normalement. Hein, oui, bah oui, un numéro. Pourquoi il y avait un numéro au fond du verre à la cantine? C'est magnifique. Allez, on en peut plus. Dans un instant. Non, pop, pop, mais gardez vos idées, je vous dirai dans deux secondes. Le mystère sera brisé. Dans un instant, Sia qui arrive, bien sûr. Dans un instant, juste après, tiens, mon info de dingue. Il y aura la question de ouf de Clément. Elle a intérêt d'être bien parce que je vais mettre un niveau là. On va essayer. Pas de pression. Je vais atteindre un niveau de fou. J'ai votre loyer à payer à 7h20. Vous voyez au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous passerez en direct sur l'antenne comme Joanne du Nord. Joanne, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Bonne chance à tous. Déjà le deuxième tirage au sort de la matinée, donc qui arrive dans quelques secondes. On y va? Allez. Ah ouais. La news la plus importante? Oui, ouais. Ok. La news la plus importante du matin. Allez. Ok. Vous l'entendez? Ouais. Ça, c'est le bruit de la vérité. Mais donc, ça veut dire que dans les verres, c'est pas vraiment ton âge? Non, c'est pas vraiment parce que ton âge. Je suis persuadé, moi, un jour j'ai bu, j'ai vu 45, je suis allé chercher mes enfants et tout, alors que je suis en 6ème. Vous connaissez ce fameux truc, le numéro au fond du verre. Le plus grand va chercher de l'eau, donc ça fait l'âge de tout le monde, ouais, au fond du verre. Mm-hmm. Et le plus grand va chercher l'eau. C'est les Duralex, ça. Ouais. C'est les Duralex. Ouais. Mais à ne pas confondre avec des Duracell, ouais, vous buvrez dans une pile, ou des Durex. Voilà. Vous buvez dans des préservatifs. Ouais. Ça ne marche pas non plus. Oui, Clément. Est-ce que c'est le nombre d'applaudissements que tu as quand tu le casses à la cantoche? Non. Les symboles imprimés sur chaque verre. Oui. Mets-moi la musique X-Files, ou quoi, à laquelle on va percer un dossier énorme, les amis. Ah, carrément. Les symboles imprimés sur chaque verre correspondent en réalité à... Non, on n'a jamais témoigné. Massage cardiaque, il est vraiment tombé. Ah, bon, là, c'est la question de ouf. Quel enfant. Je note juste que personne n'est allé te faire du bouche à bouche. Je vous le dirai dans un instant. Oh non, oh non, non, t'as mais pas Camille, droit. Tu peux pas. Les symboles sous chaque verre qui permettent de savoir qui va chercher du pain à la cantine, tout ça. Mmh. Et en réalité, ça correspond à un numéro de machine dans l'entreprise Duralex. C'est-à-dire que Duralex, ils ont une machine, par exemple, qui s'appelle 34. Mmh. Et elle produit que des verres avec marqué en dessous 34. Comme okay, ça, le jour où il y a un défaut de verre, que le verre soit cassé, en regardant le numéro, ils savent tout de suite que c'est le 34 qui a un défaut. Oh. Ah. C'est la déception. Parce que le 34 ressemble quand même vachement au 33, non? Sur les verres de cantine. Justement, mais leur but à eux, c'est que si demain il y a un défaut de fabrication, si demain il y a un truc, il y a un problème, ils savent sur quel numéro de machine. Ça correspond en réalité simplement au numéro de la machine à l'usine. Le moule. Oh là là. Hey, je sais ça depuis plus d'une demi-heure. C'est dur à regarder comme secret l'or. Est-ce que tu viens pas de briser le rêve de millions de gens? Bah ouais. Ouais, mais je suis en vie. Ouais. Bah non, vous aviez peur. Nico du bureau. Et moi j'ai une info supplémentaire. Je sais combien il y avait de machines. C'est-à-dire jusqu'à quel âge on pouvait aller en fait. Moi j'ai jamais vu au-dessus 73. Bah en gros, en gros jusqu'à combien il y avait de machines, ça voulait dire en gros, tu l'as pas l'info. En gros, c'est-à-dire jusqu'à quel âge tu pouvais dire ouais t'as quel âge machin, etc. En fait, il y avait 48 machines. Il y en avait 52 pour le service, donc en fait, ça allait jusqu'à 48. Tu pouvais avoir jusqu'à 48 ans quand tu regardais au fond de ton verre. T'es sûr? J'ai jamais eu 73 ans. Non, jamais. 48 machines, je vous le dis, c'est écrit. Oh bah, hey, franchement, on vient pas de révéler un truc de dingue. Ça brise mes rêves. Oui, Clément. Et moi, je sais comment recevoir 500 gratuitement chez toi demain. Comment? Je joue mieux la mort que Marion Cotillard. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On n'a plus trop le temps pour la question de ouf. On l'écoutera tout à l'heure. Rassurez-vous, on va pas passer à côté. Mais tout de suite, c'est Sia, Cheap Thrills. Bienvenue sur Virgin Radio. Hi, this is Sia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. à vous tous les amis, 7h10. Courage à tous les lycéens, tous les collégiens aussi ce matin, on pense très fort à vous. Et puis bien sûr les terminales, on est à 1 jour, 49 minutes et 2 secondes du vélo. C'est horrible, ce décompte il est dur. Après donc philo, ensuite on part en quoi? En histoire G là, on part, ouais, à fond. Ensuite c'est épreuve anticipée de français, puis maths, puis physique, chimie, bref. Bon courage à vous tous, on vous accompagnera, on vous donnera beaucoup de courage. Tous les matins de la semaine, comptez sur nous, il y a des anniversaires aujourd'hui. Ouais, ah, oui. Qui ça? Il y a des anniversaires aujourd'hui, des beaux anniversaires. Donald Trump. Donald Trump, 70 ans, candidat à la présidence aux États-Unis. Ouais. Boy George. Ah, j'aimais bien, ouais. Les anniversaires. Oh là, il en a fait tellement des biens, tu m'as mis la pure Asra. Ah non, j'aime bien, moi. Ah ouais, ah ouais. Ah, oui, oui. Et Che Guevara. Ah ouais. Ah, oui, Che Guevara, pour les plus jeunes, hein, bah, c'est le gars que Clément a toujours sur ses t-shirts. Ah, j'en ai, ouais. Bah, c'est la référence. Et moi aussi, c'est que j'en ai eu, puis un jour, j'ai eu 13 ans. Et j'ai arrêté de les mettre. Attends, tu sais qui j'ai d'autre sur un t-shirt ou pas? Je souviens-toi, ton anniversaire l'année dernière, on avait tous des t-shirts de toi et du coup je les gardais. Ah ouais. Et des fois je dors avec un t-shirt avec ta tête. C'est vrai. Donc voilà. Alors, ouais, c'est vrai, moi aussi. C'est comme ça que j'arrive à choper, les filles elles ont l'impression de dormir un peu avec toi. C'est quoi. Sûr. Ouais, c'est vrai. Ça doit pas beaucoup t'aider. T'as pas des t-shirts comme ça toi? Des t-shirts avec des gens dessus. Mais on a tous eu ou on a tous. Hein. Non, mais j'ai eu Che Guevara. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai eu Fido Dido, ça compte pas, vraiment. Fido Dido. Il a quand même fait une révolution à sa façon. Fido Dido, c'était le petit bonhomme de 7-Up, ouais, de Soda, ouais. Et ils en avaient fait une marque de trucs, on en était dingue, je ne sais pas pourquoi, tout le monde voulait acheter ça. Non, j'ai eu Robert De Niro. Ah ouais, classe. Bah, voilà. Taxi Driver. Oh, classe. Bah ouais, j'ai un t-shirt comme ça, tout le monde l'a aussi. Ouais. On l'a tous. Quelle est la star, la personnalité que vous avez déjà eue sur votre t-shirt? J'ai un t-shirt avec Jacques Chirac aussi, j'adore. Ah, ça, c'est marrant. Ah, j'adore. C'est à la mode, hein. Ah ouais, ouais, franchement. Il y en a plein, ouais. Il y a celle dans l'avion avec le masque pour dormir, non, là. Il est trop tendance, Chirac, c'est pas possible. Un gars qui met la ceinture au niveau du cou. Ouais, parce que faut dire, c'est le seul gars qui monte les pantalons, mais en vrai, c'est pas possible, la ceinture. Il avait, elle est au niveau des tétons, quoi, la ceinture. Mais il est quand même swag. À qui, toi, alors? Ah, vous savez quoi? Ouais. Ne me le dites pas maintenant, ne vous mouillez pas trop. Okay. Et non, allez mouiller vos t-shirts. Ouais, vous nous les mettez et on va les regarder tous ensemble dans un instant. Vous me dites quelle est la star que vous avez déjà eue sur votre t-shirt. Okay. La personnalité connue. Restez avec nous sur Virgin Radio. Javner, ça vous branche? Ah ouais. Ok, carrément, je vous ai calé ça, on y va. We go home, vous êtes dans le Virgin Tonic, on est avec vous jusqu'à 9h30, comme tous les matins, bien sûr. Je vous souhaite encore beaucoup de courage et j'ai un loyer à vous offrir dans quelques instants. Ne bougez pas. Cuisine Xena. Voici des clients Xena au moment de payer leur cuisine. Chérie, tu vois ce que je vois sur la facture? Notre budget de départ a été respecté. Mais oui, c'est ça la transparence des prix Xena. Xena. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée? Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Wepa! Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez? C'est fou. C'est fou, c'est flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Carrefour Market. Ce week-end, on se fait un pique-nique. Qu'est-ce que ça va être bon et de facile à emporter? J'ai ce qu'il vous faut, Michel. Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de deux paquets de jambon, le torchon Madrange. Oh, c'est bon, ça. C'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah, bah, vous faites les sandwichs, alors. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 2 x 160 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? Wouhou! À votre tour d'être si heureux qu'Arthur.

Excellent réveil à vous tous, 7h20. Merci d'avoir choisi le Virgin Tonic. On est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi, 6h, 9h30. Laure, Clément, oui. Bonjour. La popo du standard et moi-même, on vous paye toutes les heures votre loyer. On veut vous faire plaisir, vous remercier pour votre fidélité. On est plus d'1 800 000 Français tous ensemble à se réveiller, main dans la main, coude contre coude, sur Virgin Radio chaque jour. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et pour ça, on vous offre le plus beau des cadeaux, un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Il suffit de vous inscrire loyer au 7 12 13 par SMS. Et que vous entendez cette musique, ça y est, le tirage au sort a eu lieu complètement au hasard. On rappelle une personne. Il faut décrocher, me répondre Virgin Radio et c'est gagné. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Non, on n'entend pas. Eh, on n'entend pas. Qui est là ? Tu m'entends ? Allô ? Allô, qui est là ? C'est Adrien. Ah là là là là, en direct sur Virgin Radio, c'est pas de bol parce que on a en plus c'est pour voilà, on n'a pas le droit de rappeler les gens malheureusement. Et je suis sûr qu'il avait la réponse en plus. C'est dommage. Ah si si, il est là. Allô, allô. Ah, on l'a, ça y est, allô, bonjour. Ah non, j'ai cru. Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est qui est là ? C'est Adrien. Adrien, bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? On le perd malheureusement. Bon, ben on va appeler quelqu'un d'autre. Non, bah non, non. On va appeler quelqu'un d'autre. Non, mais je crois qu'il est encore là. J'entends dans le. On va appeler quelqu'un d'autre, malheureusement. Il nous faut un gagnant toutes Adrien, les heures. Ah, ça y est, on a Adrien. On récupère Adrien. Adrien, salut. Camille, déconne pas, je t'écoute à la radio. Adrien, tu viens d'où, mon poteau ? Je viens d'à côté de Brétigny-sur-Orge. Dans l'Essonne, très bien. Tu fais quoi dans la vie ? Ouais, je suis fonctionnaire de police, tu vois, je rentre du travail. Ah bah très bien, bah écoute, je vais te dire un truc, on va être très très heureux de te payer ton loyer. Quelle est la seule radio qui te le paye ce loyer, mon Adrien ? Eh bah Virgin Radio. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je sais que vous êtes nombreux, oui. Les fonctionnaires de police, les gendarmes, les forces de l'ordre de la gendarmerie nationale de la Montée-Chaussée. À nous la écouter. Marée-Chaussée, je sais, ça va. Non, ça mais va, de la montée aussi, on en a quelques-uns. Non, mais en vrai, je suis très heureux. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Voilà. Vous faites pas un métier qui est pas simple tous les jours. Je suis très heureux de te payer ton loyer, mon Adrien. Il est de combien ? Ah, on t'entend plus. J'ai un crédit de 1 250 €. Eh ben, ça marche très bien. Les crédits aussi, on vous rembourse une mensualité. On s'en occupera pour ce mois de juin. D'accord, mon Adrien ? Eh ben merci. Et merci à toi mon pote, passe une bonne journée. Ouais, merci toi aussi, bon courage hein. Salut et repose-toi bien, merci de nous écouter en finissant le boulot, vous aussi, hein, très nombreux je le sais, 7h23, prochain tirage au sort à 8h20, dans une heure exactement. Et pour le moment c'est The Avener, We Go Home, bon réveil sur Virgin. Virgin Tonic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on. But the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. For we both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. vous sur Virgin Radio, 7h25. Merci d'être là les amis, on parle de t-shirts ensemble. Oui. J'espère que ça va pour vous à 7h26. Hein. Certains ouvrent les yeux, d'autres je le sais, hein, sont déjà en route pour le collège, le lycée, le travail. On pense très fort à vous. Alors on parlait d'anniversaire. Oui. C'est aujourd'hui l'anniversaire entre autres de Che Guevara. Oui. Alors on se disait Clément à son âge c'est le dernier à encore porter ses t-shirts Che Guevara. Bah oui, parce que comme j'ai pas grossi moi depuis la 6ème, t'as pas maigri non plus. J'ai pas maigri. Il a pas changé. Il a pas changé. Et donc Che Guevara, on s'est dit, tout le monde a eu un t-shirt. Mais quelle est la star, l'homme politique, peu importe, la personnalité, l'acteur que vous avez sur un t-shirt? Ça me fait trop rire. Alors Clément, tu nous as dit... Moi j'en ai eu pas mal, mais j'ai dit que j'avais eu toi. Oui, moi, j'en ai un de toi. Et j'ai eu, tu vas être dégoûté, quand j'étais plus jeune, Brandon Walsh. Oh là là. De Beverly Hills. Beverly Hills, 90210. Ouais. Et un code postal, si on le connaît. Alors, qui est-ce que t'as... Alors, vous êtes très nombreux, on a lancé ça. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On vous prend au 3916 dans un instant. Laure. Alors moi, figure-toi que j'ai un t-shirt avec Justin Bieber, cadeau de ma fille. Parce qu'en fait, il y a le concert à la rentrée. Ça fait un an qu'elle me tanne avec ce concert. Et donc, il faut qu'on y aille avec le même t-shirt. Donc, pour l'instant, je le porte que pour aller à la danse. Non, attendez, vous allez aller au concert de Justin Bieber avec le même t-shirt, mère et fille? Bah voilà. Oh là là. Voilà ma vie. Obligée. Hein. Mais attends, elle est comme une dingue. Tu te rends pas compte, Justin Bieber? Elle m'a dit, mais maman, je vais pleurer. Tu te rends pas compte? Ah bah oui, non, mais ça, je comprends. Elle, mais toi, avec le même t-shirt, bon, bah il faut suivre. Je joue le jeu. T'es à fond. Bah oui. Nico du bureau. Non, mais tu sais que le merchandising qui est au concert, finalement, c'est vraiment, j'appelle ça un peu un attrape-nigo. Moi, je me suis fait avoir. Je suis allé au concert de U2. J'aime bien U2, mais sans plus. Mais le concert était fantastique. Donc et t'achètes puis, le t-shirt. Et le truc, j'ai acheté le t-shirt avec la tête de Bono, quoi. Bah, normal. Donc un t-shirt avec la tête de Bono et en plus tu dis attrape Nigo, tu dois passer des belles journées. Je passe des belles journées, non? C'est un t-shirt de Jean Bono, je sais pas ça. C'est un attrape Nigo, là. Attends, tu m'as débraillé mon tu mets dans le jean ou pas? Dis-le sur les réseaux. Moi, c'est pareil, je me suis fait avoir par cet attrape Nigo au concert de Kyo il y a 11 ans et je l'ai gardé, je peux pas le jeter, tu vois. J'ai la tête des 4 mecs sur mon t-shirt, mais il est collector, quoi. C'est celui des Kyo. Donc t'as les 4 mecs, je peux comprendre. Tu vas nous dire dans un instant, Pauline, avant, il y a Céline qui nous a appelé. Céline ! Salut tout le monde ! Salut ma belle, on est en train de faire le tour de nos t-shirts, on ouvre notre dressing, tous ensemble sur Virgin. Quelle est la star ou la personne connue que tu as sur un de tes t-shirts ? Alors moi je l'ai toujours, mais c'est un t-shirt que j'avais quand j'étais jeune, collège ou lycée, je sais plus. Et j'avais le t-shirt Marilyn Monroe parce que je la trouvais trop belle. Ah, ouais. Et je poussais le vice jusqu'à dire que j'avais exactement le même petit grain de beauté là au-dessus de la lèvre. Et en fait c'était juste un point de crayon, mais tout le monde croyait que c'était le vrai. Et j'adorais Marilyn Monroe, donc j'ai toujours le t-shirt. Eh ben je comprends, mais Marilyn Monroe ça marche tout à fait. On va demander à Xavier également qui est là au 3916. Salut Xavier. Salut mon Camille. Xavier mon bichon, quel est le t-shirt avec une star que tu as? Alors moi j'avais un t-shirt avec Michael Jordan dessus. Ah mais ouais, parce que je faisais du basket en club à l'époque. Bien sûr, attention, Michael Jordan ou Space Jam quand il est avec Bugs Bunny dans le film? J'allais dire justement, j'avais vu Space Jam, j'avais le t-shirt avec Space Jam. D'accord, voilà. Michael Jordan, on l'a tous eu, Clément. Ouais. Mais non, mais ce qui est bizarre, c'est lui quand il a dû croiser des gens dans la rue. C'est le plus grand basketteur de tous les temps. Il y en a plein qui lui ont dit, ouais, Space Jam, c'est fort. Et ouais. Bugs Bunny, il joue tellement bien. C'était un film un peu comme Roger Rabbit, où il faisait du basket avec Bugs Bunny. Donc, c'est resté forcément. Hein. Thomas, le t-shirt avec une star que t'as eu, c'est quoi, toi? Salut Camille. Alors moi, le t-shirt, c'est celui de Rihanna, tu sais, avec... avec la moustache, ou Taylor, elle a une moustache dessinée sur son doigt. Ah ouais, il y a eu tout, il y a eu plein de gens hein, comme ça avec la fausse moustache. Là, c'était une vraie. Là. Comment ça? Paris. Pauline, t'as déjà eu la tête de qui sur un de tes t-shirts? Ah moi j'ai fait un bac L, hein. J'ai eu un t-shirt avec la Joconde dessus. Je le trouvais trop stylé, je le mettais tout le temps. Je crois que je préfère encore un t-shirt de Bono et dire attrape Nigo. C'est pas possible quoi. Thomas, Xavier, Céline, je vous embrasse. Bonjour, bisous, merci. Et des bisous les copains. Alors on n'a pas de t-shirt, ben vous offrir le Teddy de l'émission. Ok, c'est pareil, si vous le mettez à l'envers, ça fait un t-shirt. Teddy de l'émission du Virgin Tonic, ça nous fait très plaisir. 7h30, les amis, on va écouter Pink, Just Like Fire sur Virgin Radio. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro dans 2 secondes à peine. On reste avec vous, on fait juste un point sur l'actu, ne bougez pas. Excellent réveil à vous tous à 7h30. L'actu partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Salut mon Tristan. Salut, bonjour à tous. Et il faut un micro. Salut Camille, bonjour à tous. Il va faire mauvais encore aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Pas mal de pluie un peu partout ce matin et surtout des orages attendus cet après-midi sur presque toutes les régions. Du soleil sur le sud-est, 21 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 19 à Paris et 24 à Perpignan. Un policier tué de plusieurs coups de couteau hier soir devant son domicile des Yvelines près de Paris. Son agresseur se réclamant du groupe État islamique s'est ensuite retranché dans la villa où la compagne de la victime, elle-même policière, a été retrouvée morte. Une attaque aussitôt revendiquée par Daesh. L'assaillant a été abattu par les hommes du raid. Le fils du couple, âgé d'à peine 3 ans, a été récupéré sain et sauf. Une réunion est prévue dans quelques minutes maintenant à l'Élysée. Grosse pagaille en vue aujourd'hui à Paris et en région. Les opposants à la loi travail ont prévu de manifester au cœur de la capitale mais aussi dans de nombreuses villes de province. La CGT s'attend à une énorme mobilisation alors que le texte a débuté lundi son examen au Sénat. Plusieurs secteurs sont encore touchés par les grèves ce matin avec notamment la SNCF. 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Mobilisation aussi des taxis à Paris, porte-maillot et sur le périphérique. Près de 700 000 élèves sur le pont demain pour le début du bac, un examen que 58% des Français considèrent comme un rite de passage symbolique. D'après un sondage CSA pour Direct Matin, à peine 25% de la population estime que le bac est une clé indispensable pour entrer dans le monde du travail. Les 25-34 ans y croient beaucoup moins. Le salon E3 à Los Angeles, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Microsoft a dévoilé hier sa nouvelle console. La petite Xbox One S, proposée à $299 à partir du mois d'août. En attendant, un nouveau modèle de Xbox lancé à la fin de l'année prochaine, juste avant Noël 2017. Et puis la conférence des développeurs, c'était hier soir à San Francisco. Apple a décidé d'ouvrir son assistant vocal Siri aux applis extérieures. Siri qui sera aussi bientôt disponible sur les Mac. Et parmi les nouveautés, l'appli Message totalement remaniée avec par exemple les mots remplacés automatiquement par des émoticônes ou encore des messages qui apparaissent masqués avant de révéler leur contenu. L'Euro de football, de nouvelles rencontres ce soir. Autriche-Hongrie, 18h à Bordeaux. Portugal-Islande, 21h Saint-Etienne. Avec Cristiano Ronaldo, la France jouera son deuxième match de cette Euro demain contre l'Albanie. Ça se passera au stade Vélodrome à Marseille. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Camille. Bon réveil. À vous tous, 7h33, vous êtes dans le Virgin Tonic. On est mardi aujourd'hui, le 14 juin. J'espère que ça va. Vous qui ouvrez les yeux, vous qui êtes peut-être dans le bus, en train de regarder cette fille à l'autre côté du bus qui est pas spécialement jolie, mais qu'intrigue parce que c'est la fille du bus. Oh. Et donc on est là à se dire bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent réveil à vous tous. Peut-être dans le bus pour écoutez, pour vous rendre au collège, au lycée, parce que ça y est, on est exactement à un jour, 26 minutes et 11 secondes du bac. Ça, c'est pas simple. Hein. L'équipe est avec moi ce matin. Oui, courage. Tiens, l'équipe, on se présente en donnant sa note au bac. Laure. Bonjour, je suis Laure et j'ai eu 16 en philo. Non, note générale. Ah, je sais plus. Ah, ouais, mais bien sûr. Clément. Bonjour, je suis Clément et j'ai dû avoir un truc comme 9. Oh. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire l'année prochaine. Hein. Mention à bien. Mention à bientôt. À bientôt, ouais. Exactement, ça marche. Pauline au standard. Bonjour, je suis Pauline et je crois que j'ai eu aux alentours de 15. Frime. Non, t'as pas eu mention quoi, toi? J'ai eu mention bien. Ouais. Oh, moi, j'ai eu mention assez bien. Oh, pas mal. Et alors? Et toi, t'as eu mention quoi alors? Moi, j'ai eu mention salut. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi, merci d'être passé. Continuation. Là, voilà ma mention. Dans un instant, c'est le passe à ton voisin. Et ben, vous savez quoi, vous allez affronter toute cette équipe. Peut-être celle qui a eu la mention, peut-être celui qui a pas eu son bac, peut-être celle qui est passée juste à l'oral. Peu importe. Vous choisirez et si vous gagnez le passe à ton voisin, pardon, vous repartirez avec un séjour en Europe d'une valeur de 1000 euros. Mais un très beau séjour pour 4 personnes où vous voulez en Europe. Inscrivez-vous maintenant au 3916. Mais avant tout, 7h34, c'est la réponse à tout. Tonic. Réponse à tout. Juste avant d'écouter le pop rock électro de Pink, Just Like Fire, le réponse à tout, Clément descend dans la rue et pose des questions aux enfants. Et une question très importante ce matin, si t'as deux amoureux ou deux amoureuses, tu fais comment pour choisir? Si t'as deux amoureux, tu fais comment pour choisir? On n'en choisit aucun. C'est, on prend les deux. La plus petite. Je pose des questions qui sont très difficiles pour voir lequel est intelligent. Pas mal. Tu fais comment, toi, quand t'hésites entre deux amoureuses? Celle qui est la plus belle. Et toi? Choisis pas, je garde les deux. Je joue à la courte paille. C'est bon. Le plus riche. Celui qui est le plus beau. Et s'il y en a un qui est beau? mais qui est pas gentil, et l'autre qui est gentil mais il est pas beau, tu prends lequel? Celui qui est gentil. C'est plus important d'être beau ou gentil? Gentil. Ok, moi je suis beau ou gentil? Beau. Et toi alors, tu choisis qui si t'hésites entre deux amoureux? Je fais un jeu, et puis celui qui gagne, bah, c'est celle-là. Et quel genre de jeu? Je choisis un nom dans ma tête, et puis celui qui est le plus proche, et ben, c'est lui. Le réponse à tout. Comme ça, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Ce serait plus simple si on faisait encore comme ça aujourd'hui, évidemment. 7h36, les amis, bon réveil. Pink tout de suite, vous êtes dans le Virgin Tonic. What's up, this is your pinkness. Virgin Radio. Just like Tonic. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up with just one day. Watch this madness turn to charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire, fire, cause nobody's done it. And y'all don't think I can run it, but look, I've been here, I've done it. Impossible, please, watch I do it with ease. You just gotta believe, come on, come on with me. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire. Salut à tous, bon réveil, bienvenue sur Virgin. Virgin Tony. Merci d'être avec nous plus nombreux chaque matin. Merci de nous rejoindre, merci de parler en bien de l'émission autour de vous. Rien nous fait plus plaisir, je vous jure. On est tellement heureux d'ouvrir les yeux à 5h et d'être là avec vous dès 6h en direct pour le Virgin Tonic avec Laura, salut, avec Clément. Bonjour. Avec la Pauline du Coucou. Standard et avec Audrey au 3916. Bonjour Audrey. Yes, bonjour Camille, bonjour Ginger, Nico, Clément, Laura. Salut. Audrey, ma chérie, tu viens d'où? Alors, je viens de Lyon, juste à côté de Lyon, je suis. De quel côté de Lyon? Alors, je suis à Saint-Savin. Ah bon, on connaît bien sûr. On connaît un petit peu les monts du Lyonnais, la région lyonnaise, bien sûr, on connaît bien. Ma petite Audrey, attention, on va y aller. Tu vas jouer avec nous. Tu vas affronter chaque membre de cette équipe. Attention, Laure, Clément, Pauline, chacun. Si tu les bats tous, tu gagneras le pass à ton voisin et tu repartiras avec un séjour en Europe pour 4 personnes. Bonne chance à toi. Jingle, on règle les comptes juste après. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Oh, oh, oh, oh, oh. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Oh, oh, oh, oh, oh. J'ai un talent d'impro. Je m'accroche à tout. Audrey, ma belle, alors attention, je vous donne un thème. Audrey, tu n'as pas le thème, évidemment. L'équipe non plus, hein, non, je te précise. C'est moi qui trouve le thème. Et vous allez devoir chacun répondre à votre tour. Si vous mettez plus de 5 secondes pour répondre, mais vous êtes éliminé. À la fin, il n'en restera qu'un. Comme dans Highlander, si c'est toi, Audrey, c'est gagné. D'accord, ma belle? Ok. Allez, c'est parti. Ma belle, c'est pour Audrey, hein, Clément. D'accord, ma belle. Ok, Camille. Tu me regardes. Attention. C'est quand même, Clément. Merci, Audrey. On y va, attention. Et alors là, ne dérapez pas, Audrey, comme l'équipe. Le thème du jour, le voici. Ça se lèche. Oula. Ça se lèche. Laure. Une sucette. Bien sûr, j'accepte. Clément. Une glace. J'accepte. Pauline au standard. Une lèvre. Une lèvre. J'accepte, bien sûr que j'accepte. Audrey. Une languette de yaourt. Les languettes de yaourt, bien sûr, l'opercule. Ça marche. Laure. La cuillère après avoir mangé le yaourt. Bien sûr. Clément. Le bâtonnet du dentiste quand on croit que c'est un bout de glace. Le bâtonnet du dentiste. Ah, le truc en bois. Bah oui, souvent on fait. Hop, moi j'ai le réflexe de mettre la langue en fait. Ouais, d'accord. Parce que lécher, ça veut dire mettre la langue quelque part. Et tu mets la langue. Bah, tu m'as fatigué. T'es j'allais l'accepter, c'était justification qui m'ont fatigué. Ouais. Clément éliminé. On y retourne. Je rappelle, hein, chacun votre tour, 5 secondes maximum. On repart avec Pauline, ça se lèche. Les fesses quand on est un chien. J'accepte. Ouais. Audrey. Bah quoi, quand on est un chien, il sèche les fesses. Bah, Audrey. On n'est pas des chiens. La main. Je me lèche la paume de la main. On peut se lécher la paume de la main. Je me lèche la main. Alors, un petit bobo, une petite blessure. On lèche. Ouais, c'est la main. Attention, hein. On est sur là, on commence à être sur du border. Hein. Ok, mais moi je trouve ça super comme réponse. Attention, mais c'est super. Mais à la limite, tu sais quoi? Va dans une radio, fais ton émission. C'est le Virgin Tonic de quoi? De l'or? Non. Tu feras tes règles quand tu l'auras ton Virgin Tonic. D'accord. Attention, t'es border. Non, t'es éliminé, tiens. Oh non, non, non, non, non. Moi je le fais, ma fille elle le fait aussi quand elle se fait un bobo. Elle tu n'avais qu'un demi-point et tu perds un point pour l'arrogance. Ce qui veut dire tu as moins 0,5, tu es éliminé. Non. Attention à l'équipe. Hein. Ouais. Il nous reste Pauline face à Audrey. C'est le passe à ton voisin. Le thème du jour, vous êtes nuls. Hein. Ça se lèche. Pauline. Oh, je sais. Un plat. Un plat quand on a aimé un plat de sa maman. Ah, ouais. J'accepte sur le gong. Il y a vraiment une injustice dans cette équipe. Ah, non, mais je dis ça. T'acceptes toujours toutes ses réponses. Non, t'es éliminé, t'es toléré dans ce studio. T'es éliminé deux fois. Audrey, c'est à toi. Ah, moi, j'allais dire l'assiette, le fond de mon assiette. J'accepte. Pauline. Eh bah oui, Pauline. Et vous passez à côté de l'évidence. Ah oui, j'en ai un aussi. Ça se lèche. Les babines. Les babines. Eh bah oui, les babines, Clément. Les vitrines, le lèche-vitrine. Le lèche-vitrine. Les timbres. Les bottes. Les timbres. Les bottes. Les bottes. Mais même quand on joue pas, j'ai pas écouté. Mais quoi, les bottes? Bah, lèche-bottes. Ah oui, lèche-bottes. Lèche-bottes. Ouais. Wow, non, j'aurais pas pris. Non, ça là non. Autant de lèche-vitrine, Clément, super. Ah, génial, merci. Mais lèche-bottes, j'ai fait plein d'autres comme ça. Clément, super, mais... Aux sûr, les chaussures. Ça marchait ou pas? Les glottes aussi. Ah oui, mais comment on appelle... Ah oui, t'as raison, ma petite Audrey. Comment on appelle les gens qui sont un peu faillots et tout, des lèches... Lèche-bottes, j'aurais dit. Ah super, ah, voilà, lèche-bottes, j'aurais dit. C'est mon idée. Mais du coup... Audrey, ma chérie, c'est toi qui as gagné, ouais. Bravo. Bravo. Merci, bravo à toi, ma belle. Je suis tout le week-end, mais j'ai la joie à mort. Eh ben, je suis très heureux, ma chérie. Alors, on t'entend un petit peu mal, je m'excuse, hein. Mais en tout cas, je t'offre ton séjour d'une semaine pour 4 personnes grâce à Brittany Ferries de la gamme Saphir pour découvrir l'Europe. On est très heureux et tu pars avec 3 personnes. Je vous aime, I love you. T'es un amour, ma chérie. Ich liebe dich. À toi, bon réveil, 7h44. Kungs, This Girl sur Virgin Radio. Oui, Clément. Il y avait Lèche-Botte aussi. Mais ça marche. Ah ouais, génial. Ça marche très bien. Merci à vous, bonne journée. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Bienvenue sur Virgin Radio, merci d'être avec nous si nombreux le matin, 7h47, on est mardi aujourd'hui, le 14 juin, l'équipe est là bien sûr. Oui. J'espère que ça va pour vous, hein. Où que vous soyez en France, quelle que soit votre matinée, peut-être encore en train d'ouvrir les yeux, d'autres sont au travail depuis longtemps, je le sais, d'autres en voiture, soyez prudents. En tout cas, j'ai une info qui va vous intéresser, oui, j'espère. Ça concerne les M&M's. J'adore. Ah bah, c'est ma passion. Tiens, on va le faire version famille en or. Est-ce qu'on peut avoir le générique d'une famille en or? Bonjour. Famille en or. Est-ce qu'on peut avoir le générique d'une famille en or? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. La famille Virgin Tonic, bien sûr. Il y a Laure, il y a bonjour. Clément. Il y a Ginger, il y a hello. Pauline. Coucou. Nico Dubureau, le chef de famille. Oh, yeah. Face à vous aujourd'hui, la famille. Franc, bonjour. Ah non, bonjour à tous, je vous serre la main Camille. Bonjour. Ah, vous n'en faites pas partie vous. Bonjour Clément. Bonjour. Ah, on se voit vendredi. Jeudi. Vous êtes la famille Franfran? Franfran, oui. La famille Franfran, très bien. Famille Franfran, attention. Ils sont sûrs de gagner. Ah bah non. Je vais poser une question. J'ai le classement de la couleur M&M's préférée des Français. Ah, on sait, il y a plein de couleurs. Ouais. Selon vous, quelle est la couleur préférée? On va voir si vous retrouvez le top 3. Sinon, c'est la famille Franfran qui va gagner. Oui, Laure. Rouge. Rouge, je prends. C'est dedans, bravo Laure. J'accepte, Clément. Dans la continuité, je vais dire jaune parce que c'est les deux stars de la pub, le rouge et le jaune. Ah ouais. Je prends, bravo Clément. Ginger. Le bleu, parce que tu peux te maquiller avec. Eh non, ouais, tu te maquilles avec des M&M's. Ah. Bah ouais, mais grave, c'est vrai, tu mouilles et puis hop, tu te fais du rouge à lèvres. Je vous en prie. Non, on va t'expliquer après, mais il y a des trucs genre Sephora qui existent pour te dire. On te fera un bref. Oui, Pauline. Le vert. Eh bien, vous venez d'avoir le top 3. Ouais. Désolé la famille Franfran, mais alors numéro 3 des M&M's préférés des Français, hein. Mmh. Numéro 3 le vert, ouais. Numéro 2 le jaune, ouais. Et numéro 1 c'est l'or, c'est le rouge. Bah, on est d'accord que le marron c'est le pire. Ah, en fait ils ont tous le même goût. Mais c'est le moins médiatisé en fait. Il est moins médiatisé, ouais, le marron. Il est un peu plus underground. Ouais. Ouais, bien sûr. Nico Dubureau. Excusez-moi d'être d'accord avec Laure pour une fois, mais je trouve qu'effectivement ils ont tous le même goût. Famille Franfran, je suis désolé. On travaille sur le retour du M&M's marron. Mais il a bien mystérieux, famille Franfran. Restez avec nous sur Virgin Radio, 7h49. On va revenir dans un instant sur Virgin Radio avec 21 Pilots. Stressed out. Et puis j'ai un loyer à vous offrir à 8h20 en direct et en exclu comme tous les matins sur Virgin Radio. Restez avec nous, vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les jours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils sont à l'amende. Qui ça, Lidl? Mais non, les biscuits croquants, c'est la semaine italienne ici. Et dès demain, les cantuccini italiamo aux amandes ou au chocolat sont à 1,99€ les 300 grammes. Les cantuccini aux amandes ou au chocolat à 1,99€ les 300 grammes chez Lidl? C'est vrai ça? C'est le vrai prix patron. Craquant, non? Le prix des croquants? Continue comme ça, et c'est toi que je mets à l'amende. On est mal, tu sais? Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,63€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.

On est tous, alors pas forcément, moi je sais que voilà, je le suis un petit peu. Il y en a d'autres qui le sont pas, mais qui font quand même des petites choses. Moi par exemple, je fais genre, allez, c'est bon, allez, amenez le gâteau ou quoi. À mon anniversaire, avant de souffler les bougies, tu peux être sûr que je fais un vœu. Bah oui, tout le monde. T'y crois pas, mais tu le fais quand même. Ouais, tu vois là. T'y crois pas, mais tu fais, t'es obligé. Vous avez quoi, vous l'équipe? Vous êtes très nombreux à avoir réagi sur les réseaux. On va lire tous vos messages. On a également rappelé des gens au 39-16. Laure. Moi, je mets toujours des petits poissons et des petits yeux sous le matelas de ma fille parce que c'est contre le mauvais œil. Mais des vrais poissons, c'est l'odeur est insupportable. Non, c'est pas contre la mauvaise odeur, ouais, c'est ça. Tu mets quoi comme poisson? Non, mais pas un vrai poisson, une petite figurine en poisson. Pourquoi ça porte bonheur? Bah, ça, c'est contre le mauvais œil, je sais pas, on fait ça dans ma famille depuis toujours, on met ça sous le lit des enfants. Ah bon? Ouais. Mais c'est bizarre, je connaissais pas Clément. Moi, je mets toujours mes clés dans la poche droite, que ce soit mon jean ou ma veste. Quand c'est à gauche, je sens que je vais avoir une mauvaise journée ou je suis pas à l'aise. Et pas, donc toujours au même endroit les clés. Ouais, je sais pas si c'est un toc ou une superstition, mais je le fais tout le temps. Tu le fais tout le temps. Pauline au standard. Moi ça vient de mes parents. Si je fais tomber du sel sur la table, ouais. En fait j'en jette derrière moi des deux côtés. Ouais. À chaque fois. Ma chérie elle fait ça aussi, je comprends pas. Mais je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Moi je le fais avec le ketchup. oui, Ginger, alors quels sont les messages sur les réseaux? On a Jeanne et Benjamin aussi qu'on a rappelé au 39-16. Salut tous les deux. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors on vous a rappelé, on a eu plein de réactions, ouais. Vraiment. On vous a choisi au 39-16. On peut en lire quelques-unes, ma Ginger. Il y a Maxime sur Facebook qui dit: moi je ne suis pas superstitieux, mais si je reçois une chaîne par mail, tu sais, qui dit si jamais tu ne renvoies pas à 20 personnes, machin, je fais comme si j'avais pas vu. Ah bah vaut mieux pas, tu lis. Moi je peux renvoyer à 20 personnes en mettant non mais n'importe quoi. Mais de quand même tu dis bon ok, je l'ai fait, j'ai pas brisé le truc. Il y a Marie Bichounette aussi qui dit: je ne suis pas superstitieuse, mais j'aime pas quand la baguette de pain est retournée. Ah ouais, ma mère aussi elle a ça. Il paraît que ça porte malchance, ça. Oui, Laure. Vous savez d'où ça vient le truc du sel? Non. En fait, on dit que ça amène des disputes parce qu'à l'époque, le sel, ça coûtait hyper cher. Et quand on renversait du sel dans une maison, bah, ça provoquait des disputes à cause du fait que ça coûtait hyper cher et qu'il fallait pas le renverser. Et alors pourquoi on en renverse encore plus par derrière? Parce qu'on est blindé maintenant. Après, pourquoi on fait ça par-dessus l'épaule, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça, ça vient de là. Ça vient de là, d'accord. Quoi d'autre, ma Ginger? Il y a Chachaou qui dit: je suis pas superstitieuse, mais quand je suis allée à New York, j'ai touché les coucougnettes du taureau de Wall Street. Je connaissais pas ce truc. Tu connaissais? Le tour. Non, je suis pas allé à New York. C'est des SK. Attention, hein. Un taureau sur deux qui a les coucougnettes à l'air, c'est des SK New York. Hein. Méfiez-vous, les amis. Jeanne, ma chérie, toi, t'es superstitieuse ou pas dans la vie? Alors non, moi je ne suis pas superstitieuse. Par contre, quand je passe à côté d'une fontaine, je ne peux pas m'empêcher de jeter une petite pièce et faire un vœu, tu vois, on sait jamais. Moi c'est l'inverse, c'est ramasser. Bah ouais, Laure aussi. Laure elle a toujours un masque et un tuba avec elle. Pour 20 centimes plonge. C'est quoi toi, mon Benjamin? Est-ce que t'es superstitieux toi dans la vie, mon Benjamin? Alors moi, ouais, non, moi je suis pas superstitieux, mais quand on me dit le mot magique, je ne peux pas dire merci. Il ne faut jamais dire merci. Ouais, moi, personnellement, je dis je prends. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Oui, il faut pas dire merci. Ben, nous, notre patron, un de nos patrons de la radio, Roberto, par exemple, parce que ça, il paraît que ça porte malchance au théâtre et tout, ne supporte pas le vert. Ouais. Genre dans son bureau, vous lui amenez un dossier dans une chemise verte, bon, on lui amène jamais de dossier, nous, mais bon. Machin, il fait changer la chemise, il peut pas. Genre le vert pour lui c'est vraiment signe de pas de chance, de mauvaise journée. Pauline au standard. Mais j'ai l'explication, c'est qu'à l'époque au théâtre cette couleur, dans cette couleur il y avait du poison. C'est ça. Donc si tu touchais ou léchais cette couleur, tu pouvais t'empoisonner. Donc c'est non, ça. Lui c'est pas ça, c'est qu'en fait il a un crédit CTLM qu'il n'arrive pas à rembourser. Et du coup il fait une inversion au vert. Parce qu'il est bonhomme CTLM et tout. Il arrive pas quoi. Il arrive pas à s'en sortir, c'est un pré-étudiant. Hein. Il a 21 ans, hein, Roberto, faut savoir. Benjamin, Jade, je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous de réagir. On va continuer d'en parler. On a des milliers de messages. On va encore en lire plein, les amis. Rassurez-vous, 21 Pilots, Stressed Out. Voilà ce qui arrive tout de suite sur Virgin Radio. Un point sur l'actu. Et on est là avec vous. On vous lâche pas. Jusqu'à 9h30, c'est le Virgin Tonic. Bon réveil à vous tous dans toute la France. C'est Tristan Sarah qui vous prépare les infos et qui commence avec la météo. Salut mon Tristan. Salut Camille, bonjour à tous. Le mauvais temps va se prolonger aujourd'hui sur toute la France. Des averses ce matin et des orages attendus en milieu de journée sur quasiment tout le pays. Des éclaircies uniquement sur le sud-est. 19 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 23 à Marseille et 26 à Nîmes. Une réunion a lieu en ce moment à l'Elysée. François Hollande assure que toute la lumière sera faite sur le drame qui s'est noué hier soir à Magnanville, c'est dans les Yvelines. Un homme se réclamant de Daesh a assassiné un couple de policiers à son domicile. Un double meurtre aussitôt revendiqué par le groupe État islamique. L'assaillant a lui-même été abattu par les hommes du raid qui ont récupéré l'enfant du couple. Âgé de 3 ans, il est sain et sauf. Le meurtrier présumé était un jeune homme de 25 ans. Il avait été condamné en 2013 pour sa participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. C'est la journée de mobilisation nationale contre la loi travail. La CGT attend beaucoup de monde dans les rues de Paris, avec 600 cars affrétés dans toute la France, mais aussi dans une cinquantaine de villes. Une journée pour réclamer le retrait du texte actuellement au Sénat. Il y a encore des grèves ce mardi, notamment à la SNCF avec 7 TER sur 10, mais aussi dans les crèches, dans les airs avec les pilotes d'Air France, et également sur les routes avec la mobilisation annoncée des taxis. Un Français sur 5 a du mal à se chauffer, constat de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publique dans Le Parisien. 20% des ménages qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie, un chiffre en hausse de 50% en quelques années avec la crise et l'augmentation des prix. L'État pourrait étendre à toute la France l'expérience du chèque énergie en cours actuellement dans 4 départements. Une minute de silence observée hier soir dans les fan zones, un recueillement en mémoire des victimes de la tuerie à Orlando aux États-Unis, une attaque inspirée par les djihadistes. Le président Obama se rendra jeudi sur place pour un hommage aux familles des victimes. C'est la journée mondiale des donneurs de sang. Ce mardi, opération organisée tous les 14 juin depuis 2004 et soutenue par Virgin Radio. C'est gratuit sur la base du volontariat. Pour vous renseigner, le site jedonnemonsang.net. L'événement de ce début d'été à Paris, ce sera l'Electro Summer, le 5 juillet sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Une énorme soirée avec 8 grands noms de l'électro, dont Robin Schulz, Cassius, Bob Sinclair ou encore Breakbot. Au moins 30 000 personnes attendues. Electro Summer le 5 juillet. Les billets sont déjà en vente, 29,50€. Vous passez par notre site virginradio.fr. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille. Bon réveil. À vous tous sur Virgin Radio, 8h03, soyez les bienvenus, merci de nous avoir choisis, toute l'équipe est là bien sûr, oui. Il y a la Pauline au standard, le 3916 pour nous joindre, nous raconter tout ce que vous voulez, réagir à l'émission, repartir avec des très beaux cadeaux. Il y a Clément Lincruz, salut mon Clément, il y a Laure, salut la jeunesse, Laure qui me fait mes tartines tous les matins, et alors je sais pas si tu penses que je suis mannequin, mais les tartines sont de plus en plus petites. Parce que j'ai remarqué que t'en mangeais qu'une, donc je me suis dit je vais en faire deux petites, comme ça il en mangera peut-être deux. Bah voilà, elle est maline, ce qui revient même. Bah oui. Mais bien sûr, merci à toi. Les amis, on a lancé un hashtag. Un hashtag, je ne suis pas superstitieux, mais même si vous ne l'êtes pas, on a toujours un petit truc quand même. On fait genre, non, mais moi je crois pas à tous ces trucs. Et quand même, on a un petit rituel de superstitieux. Et il y a Bérénice qui m'a écrit sur les réseaux, qui me dit: quand j'envoie un SMS pour gagner mon loyer, j'embrasse toujours le portable pour porter bonheur à mon SMS. C'est mignon comme tout. C'est sale, mais c'est mignon. C'est un peu sale, mais c'est mignon. Et ben ça tombe bien, puisque fais-le, ma chérie. Maintenant, embrasse bien fort ton téléphone, puisque dans exactement 15 minutes, on vous paiera une nouvelle fois votre loyer. Il y a déjà eu 2 tirages au sort. Et on va continuer comme ça. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 chaque matin. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire et vous passer en direct sur l'antenne comme Madeleine, dit les vilaines. Madeleine, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Yeah. Yeah. Bravo encore à Madeleine, et c'est peut-être votre tour d'être le grand gagnant du loyer. Un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, remboursé par Virgin Radio. Vous l'entendez, 21 Pilots, Stressed Out, c'est un de vos morceaux préférés en ce moment. Pour le pop rock électro, c'est ça qu'on vous a préparé, ça arrive dans 2 secondes. Mais avant, comme chaque matin, 8h05, c'est la question de ouf. La question de ouf. Et la question de ouf, oui, on ouvre tout simplement un répondeur. Clément vous pose une question chaque jour et on écoute tous les messages que vous avez laissés. Et ce matin, on vous a demandé, c'est quoi la meilleure punition que vous ayez donnée à un enfant? Alors, la punition pour ma fille, je me suis connecté à son compte Facebook, j'ai changé le mot de passe. Maintenant, le mot de passe, c'est punition. Si elle trouve avec ça, sans déconner... Je l'ai puni pas de télé, hein, trop classique. Non, j'allume la télé et je mets la chaîne parlementaire. C'est ennuyeux, c'est chiant, mais au moins c'est instruit. Bah, comme il n'avait pas été sage pendant un voyage en voiture, je lui ai mis mon CD préféré, Natacha Saint-Pierre. Il y a des cailloux partout sur terre. Deux enfants se chamaillent, je les prends les deux, je les fais se prendre dans les bras. serrer bien fort, tête contre tête, et on ne bouge pas pendant 10 minutes. C'est tu files au lit avec ton pyjama et ton doudou. Oui, je sais, je sais pas donner les punitions. Je lui demande de ranger sa chambre, et si c'est déjà fait, je lui fais ranger la mienne. Pratique, non ? La punition la plus drôle que j'ai donnée, c'est que j'ai envoyé mon fils au coin à l'arbre. Après 2 tours, il m'a dit, en pleurant, « Mais maman, j'ai pas trouvé le coin !» Question de ouf. En fait, les punitions, elles allaient peut-être nous donner raison. Laure et Nico du bureau qui sont papa et maman. En fait, c'était moi, mon père qui choisissait les punitions. Et en fait, il nous donnait tout ce qu'il aimait pas faire. Bah, ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est toujours ton de la pelouse. Peindre la rambarde. Aller chez le médecin. Payer les impôts. Tout ce qu'il aimait pas faire, ça devenait nos punitions. Même si t'avais rien fait, c'était tes peinards en train de faire tes devoirs. Du tiens, va-t'en de la pousse, toi. J'ai rien fait, c'est au cas où. Bon, 8h06, les amis, vous restez avec nous. Alors, on a un grand concours de M&M's. C'est important puisque moi j'ai dit que les M&M's n'avaient pas le même goût. Et Laure est persuadée que tous les M&M's ont le même goût. Évidemment. Et bien, vous savez quoi, dans un instant, vous allez me bander les yeux. Ouais. Mmh. Ok. Et je vais faire une dégustation de M&M's. Ouais. On filmera tout, hein, bien sûr. Ouais. Hein, vous serez avec nous dans le studio sur Facebook. Vous pouvez vous y aller dès maintenant. On va vous filmer tout ça en streaming. Et vous verrez que rien que avec la bouche, j'arriverai à découvrir quels sont les M&M's. Wow. J'en suis sûr. Restez avec nous sur Virgin Radio. On teste ça dans 2 secondes. 21 Pilots tout de suite. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing. Singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Bon réveil, vous m'entendez? Ton micro est là, Camille, c'est bon, on t'entend. Bon réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Virgin Denis. Je vous explique, excusez-moi, hein, si vous venez de nous rejoindre, allez sur le Facebook de l'émission, vous serez en live streaming avec nous dans les studios et j'ai les yeux bandés. J'adore l'idée. J'ai les yeux complètement bandés, donc je vois absolument rien, puisque tout de suite on va réaliser une étude scientifique. J'ai pris des engagements devant les Français, j'ai dit que je pouvais reconnaître la couleur des M&M's, puisque pour moi, même les yeux bandés, puisque pour moi, les M&M's ont un goût différent. Non. Laure n'est pas d'accord avec moi, donc elle a préparé 5 M&M's. Ouais. Chacun de couleurs différentes, on est d'accord Laure? On est bien d'accord. Et je vais devoir essayer de deviner quelle est la couleur du M&M's. Alors attention, on va déguster 5 M&M's. Est-ce que tu veux qu'on te rappelle les couleurs, Camille, qui existent? Jaune, vert, rouge, bleu, marron. Ou non, il n'y a pas marron. C'est orange. Il y a orange. Ah mais c'est le marron le plus simple à reconnaître. Ouais, mais on les a mangés déjà. Bon, ok. Le orange, c'est avec du choco à l'intérieur, je crois. D'accord. On y va, c'est parti. Premier M&M's. Il arrive. Il arrive dans ta main. Dans l'autre main, il est. Alors. Ah, tu ouvres la bouche? J'adore cette idée. Alors, la Camille est en train de manger le premier. Nous, on a la couleur. Ouais. On révélera à la fin. Oui. À la fin? Oui, oui. Pour moi, c'est vert. Vert. Pour moi, c'est vert. Ok. Deuxième SMS. MMS. Non. Deuxième. Je n'arrive pas. Ben, je veux un M&M's. Non, mais. En fait, Camille tend la main. Et Laure lui met dans la bouche. Mais et pas bouche de blague ferme. À un moment donné, c'est autre chose que M&M, ça. Oh. Tu nous donnes des bonnes idées. Le deuxième. Il a une belle robe. Pour moi, c'est jaune. Il est fort. C'est jaune? Ah, mais non, pas, il ne sait pas, il dit il est fort. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur Virgin Radio. Dégustation à l'aveugle de M&M's. Ouvre la bouche. C'est le troisième déjà. Hein. Oui. Troisième. Ouvre la bouche. C'est tellement le jeu le plus drôle que je connais. Rouge ou orange? Peut-être. Rouge ou orange alors? Je m'énerve. Il y a beaucoup de chocolat. Je vais dire orange, mais ça peut être rouge. Ah, c'est quoi ton dernier mot, JP? Il vient de le dire. Bah non, il a dit. Il a dit orange. Orange? Rouge ou orange? Ah, rouge. Laissez-moi ça au moins, les amis. Rouge ou orange? Ok, c'est dur. Suivant. On est déjà à 3, alors. On continue. Dégustation de SMS à aveugle, je dois deviner. Non, c'est pas de dégustation de SMS, c'est de M&M's. Oui, pardon. Oui, excusez-le, il a les yeux bandés, c'est pas facile de parler. C'est génial. N'importe quoi. Excusez-moi. Allez, deux secondes. Ah, non. Alors, de mon côté, en attendant, je dirais bleu, rouge, jaune. Je mange les autres. Alors, hein, ce sera le dernier. Hein. Ah, ben non. Ah, non, il y en a deux. C'est le dernier. Ce sera le dernier. Alors celui-là, il est particulier. Je dirais bleu. Ok. T'es sûr que tu veux pas faire le dernier? Non. Parce qu'il est peut-être particulier quand même, le dernier. Non. J'enlève le foulard. Ok. C'est très perturbant de pas voir. Attention. La dégustation. Les amis, vous êtes sur Virgin Radio. Tiens, ça c'est gratos, on est à 23h46 et 0 secondes du bac. Oh là là. J'ai le compteur en permanence devant moi, je vous le dis, je suis désolé. Les amis, on va voir si oui ou non j'ai réussi à découvrir quels étaient les M&M's en fonction du goût. J'y suis pas? Alors, Camille, le premier M&M's, tu m'as dit vert. Oui. C'était un M&M's vert. Non, en vrai? Un peu. Je vous dis qu'ils ont des goûts. Le deuxième M&M's, tu m'as dit jaune. C'était un M&M's jaune. Non mais attendez, tu nous as tués. Le troisième M&M's, tu m'as dit rouge ou orange? Rouge ou orange? Je sais plus. Et c'était rouge. Oh là. Mais quand même. Mais je vous ai dit, laissez-moi au moins la possibilité des deux. Et le c'est dernier. C'est pour ça que je te disais d'aller jusqu'au bout. Et le quatrième, tu m'as dit bleu. C'était mon doigt. Je présente, c'est mon sexe. C'était. Tu m'as dit donc bleu, c'était orange. Et si tu avais été jusqu'au bout, tu t'en serais aperçu. Ouais. Pourquoi? Tu es assez déçu. Bah parce qu'on y était presque, quoi. T'aurais pu faire un sans faute. Bah non, puisque j'ai dit bleu sur orange. Bah oui. Oui, mais peut-être que tu te serais rendu compte que le dernier était un bleu et que t'aurais rien. Comme quoi, alors, est-ce que quand même, je me suis trompé sur le dernier. 3 sur 4 quand même. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les M&M's, je voyais absolument rien. Ouais. Si tu me les mettais direct dans la bouche, je voyais pas. On est d'accord pour dire qu'ils ont vraiment des goûts. Ah ouais. Moi, je suis un produit M&M's. Moi, je trouve pas. Moi, tu me refais la même dégustation à l'aveugle, je trouve rien. Mais oui, mais parce que t'as pas la passion du goût, t'as pas le palais. Faut avoir un palais à un moment donné. Les amis, merci d'être avec nous sur Virgin Radio dans un instant.

Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Un ciel électrique encore aujourd'hui à travers tout le pays. Des averses ce matin, des orages en milieu de journée, puis quelques éclaircies sur les régions bordées par la Méditerranée. Vous aurez 15 petits degrés seulement cet après-midi à Cherbourg, 16 à Brest, 17 à Lille, Beauvais, Rennes, Nantes et La Rochelle, 18 à Dijon, Colmar et Chambéry, 19 degrés à Paris et à Strasbourg, 20 à Bordeaux, Biarritz et Toulouse, 21 à Valence et Montélimar, 22 degrés à Lyon et à Nice, 24 à Marseille et Perpignan, les maximales 25 pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Dans DuoTime, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec DuoTime, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 04 03. Euphonia 34 centimes la minute. Virgin Radio Classics. La web radio 100% Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. Message fait 35 centimes par SMS à coût d'envoi service modéré et animé. La Summer Break Party by Crédit Mutuel avec Virgin Radio. C'est le 9 juillet à Disneyland Paris. Profitez des attractions du parc Walt Disney Studio privatisé pour vous et dansez toute la nuit avec Offenbach. Salut, c'est Offenbach. Et Hugel. Are you ready? Cotton Cloud et bien d'autres. Écoutez Virgin Tonic de 6h à 9h30. Virgin Tonic. Passez à l'antenne et gagnez vos entrées plus votre séjour pour cette soirée exceptionnelle. La soirée Summer Break Party by Crédit. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio, 8h22, j'espère que tout va bien pour vous, vraiment, mardi 14 juin, on est très heureux d'être là, on vous lâche pas, on prend soin de vous, on s'occupe de tout, entre 6h et 9h30 comme chaque matin, avec Laura, avec Clément, avec bonjour. On s'occupe aussi de vous faire un très beau cadeau, c'est le loyer remboursé grâce à Virgin, toutes les heures, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, pour vous inscrire, 7h20, 8h20 et 9h20, pour vous inscrire, rien de plus simple, un SMS. Au début, on avait fait des signaux de fumée, mais c'était pas pratique. Avec les vents contraires et tout, il y a des gens qui s'inscrivaient de Nantes. Ouais. On voyait pas bien, on n'arrivait pas à lire le numéro. Avec les nuages. Le plus simple, c'est le SMS. C'est ce qu'on a trouvé de plus simple. Loyer au 7 12 13. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone. Toutes les heures, on tire au sort. On réembrasse Hélène, gagnante, de à 6h20. De Pouzoge, en Vendée. On réembrasse Adrien, le gagnant de 7h20, région parisienne, fonctionnaire de police. Allô? Et j'ai l'impression que ça part bien ce matin. Allô? L'impression qu'on a déjà un troisième gagnant. Ah oui. Allô, qui est là? Oui, c'est Damien. Salut Damien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super mon pote. T'es d'où Damien? Bah, je suis de Lyon. Et en ce moment, on a énormément de gagnants du côté de Lyon. Je suis nouveau lyonnais en fait, je suis Clermont-Ferrand et allez l'ASM. Allez l'ASM! Allez Morgan Parra! Morgan Parra! J'adore Morgan Parra. C'est un des joueurs de l'ASM. J'adore Morgan Parra parce qu'il a à peu près mon physique et il joue au rugby. Et j'aurais jamais cru que c'était possible. Oui, Clément. Non, moi, tous les autres ont à peu près mon physique en termes d'épaule et tout. Mais tu fais ballon, toi. Moi, je fais ballon, bien sûr. Damien, mon bichon, donc du côté de Lyon. Et énorme soirée qui se prépare à Lyon, vous le savez. Le 23 juin prochain, c'est l'électrochoc à la Halle Tony Garnier. 12 000 personnes en débarque. Soirée entièrement gratuite avec les plus grands DJ du moment. C'est peut-être aussi pour ça que vous nous écoutez si nombreux. Mon Damien, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Bien sûr, au nom de tout l'ASM, au nom de Morgan Parra, au nom de tout le monde de l'Ovalie, bien sûr, le monde du beau goût, le monde en effet du viril, mais toujours respectueux, c'est important. Respect des valeurs, bien sûr. Jeu de la biscotte. Damien, mon bichon. Je vais te faire un chèque de combien? 685 euros. Eh ben, ça me fait très plaisir. Le chèque par dès cet après-midi. T'es un nouveau lyonnais, t'as déjà ton loyer de payer, mon pote. Bah, c'est génial et je suis heureux de vous avoir au téléphone, vraiment. Je vous écoute tous les matins, pareil. Eh ben, t'es un ange, merci beaucoup. Eh ben, merci de ta fidélité, merci d'être là chaque jour, mon Damien. Je t'embrasse très très fort. Tout de suite, on écoute. Pas ce que je décide. ce que vous décidez. C'est vous qui choisissez la musique qu'on passe le matin. Et là, c'est notre petit Martin de Douai qui a choisi. Vous l'écoutez ça, on le met tout de suite. Excellent réveil sur Virgin. Dernier tirage au sort pour le loyer. C'est dans une heure exactement. Tentez votre chance, comme Damien. Tout de suite, on écoute Don't Feed Me Garlic dans une tectonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. Sandra Sublet danser là-dessus? Non. À Tour Eiffel pour le show d'ouverture. Qu'est-ce qu'elle est forte. J'ai vu. Mais vraiment, elle est géniale. Hein. Ouais. Elle est quand même animatrice sur TF1 et tout. Aucune animatrice fait le show comme ça sur TF1. Elle est incroyable, vraiment. Elle est Sandra Sublet. Elle a dansé sur Justin, là, comme ça. Tour Eiffel en direct sur TF1. Je trouvais ça formidable. Tiens, mais justement, on va parler d'Euro 2 secondes. Deux secondes quand même. Hein. Donc, on parlait du show d'ouverture avec Alessandra Sublet sur TF1. Eh bien, je viens de voir une étude sur le site de BFM, figurez-vous, qui concerne l'euro. Elle a été menée par un site de rencontre. Et enfin, en fait, pardon, l'Euro 2016 va entraîner une hausse de l'infidélité. Bah oui, les mecs restent devant la télé, les filles en ont marre. Mais c'est normal. De nombreuses femmes ont assuré vouloir profiter des matchs pour passer du temps avec leurs amants. Et les hommes admettent avoir déjà utilisé l'excuse d'un match pour dire je vais le voir chez Adrien, machin. Et en fait, pour aller retrouver leur maîtresse. Donc en fait... Que ce soit côté masculin, mais on casse un peu les clichés côté féminin aussi, l'euro permet d'avoir plein d'excuses pour pouvoir mener une double vie et aller voir son amant Clément. En fait, personne ne regarde les matchs. Ça dépend. Allemagne-France, ça va. Mais je pense que Albanie-Suisse, je pense que là, ça doit y aller. Oui, Laure. Je trouve ça hyper triste, moi, comme info. Ah bah oui, je dis pas que c'est gay, c'est malheureux, mais comme quoi, l'euro, ça permet de trouver plein d'excuses en plus. Mais comme quoi, le foot, ça divise. Ça divise. Exactement. Oui, ma petite Pauline. Et c'est surtout qu'il y a des gens qui viennent de l'Europe. Et c'est vrai que moi, par exemple, là, je sous-loue ce week-end mon appart à deux Ukrainiennes qui sont magnifiques. Oh. Et je me dis que voilà, ça les rend fous, les mecs. Mais moi, figure-toi que j'ai une petite chambre en plus. À la limite, garde l'appart et puis tu leur dis de venir. C'est un quartier assez commerçant. Je viens voir le match. C'est mon équipe préférée. Je viendrai voir le match. En fait, j'ai la télé qui fait des. Allez. Mardi aujourd'hui, j'espère que tout va bien. 8h30 tout pile, on fait un point sur l'actu. Maintenant, dans un instant, le réponse à toute Clément Lacrus qui arrive. Et puis bien sûr, le pop rock électro que vous aimez, c'est le son de Imani qui arrive dans un instant. Ne bougez pas. Et les infos partout en France, c'est un petit peu avec la star des journalistes. Maintenant, il arrive au dernier moment, hein, c'est-à-dire dans le couloir en train de discuter avec le patron. On l'attend, il est en loge, hein, il a une petite loge à lui, il fait une petite retouche make-up. Ok, Tristan Sarab, alors merci de nous faire l'honneur de ta présence dans le studio. Je passe deux minutes. Tu nous dis s'il faut meubler un peu, hein, tu nous dis en attendant qu'il soit prêt pour son flash. On t'écoute, mon pote. Et bonjour à tous, il va faire mauvais encore aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Pas mal de pluie un peu partout ce matin et surtout des orages attendus cet après-midi sur presque toutes les régions. Du soleil tout de même sur le sud-est, 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. Refuser la peur, combattre le terrorisme, tweet de Manuel Valls après un double meurtre perpétré par un combattant de Daesh hier soir en région parisienne. Un couple de policiers tué à son domicile des Yvelines. Seul leur enfant, un petit garçon de 3 ans, a eu la vie sauve. Il a été récupéré par les hommes du raid qui ont abattu l'assaillant. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Une réunion vient d'avoir lieu à l'Elysée où François Hollande assure que toute la lumière sera faite sur ce drame. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Le meurtrier avait été condamné à 2 ans et demi de prison ferme en 2013 pour sa participation à une filière djihadiste avec le Pakistan. Grosse pagaille en vue aujourd'hui à Paris et en région. Les opposants à la loi travail ont prévu de manifester au cœur de la capitale, mais aussi dans de nombreuses villes de province. La CGT s'attend à une énorme mobilisation. Alors que le texte a débuté lundi son examen au Sénat, plusieurs secteurs sont touchés encore aujourd'hui par les grèves, comme la SNCF avec 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10. Mobilisation aussi des taxis à Paris, porte-maillot et sur le périphérique. Il n'y a pas que l'Euro de foot à vivre au pied de la Tour Eiffel. Le 5 juillet, Virgin Radio va investir le Champ de Mars avec un énorme événement électro-sol. 8 grands noms de l'électro, dont Robin Schulz, Cassius, Bob Sinclair et Breakbot. Attention, les billets sont déjà disponibles, 29,50€. Vous passez par notre site virginradio.fr. Le salon E3 à Los Angeles, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Microsoft a dévoilé hier sa nouvelle console, la petite Xbox One S, proposée à $299 à partir du mois d'août. En attendant, un nouveau modèle de Xbox lancé à la fin de l'année prochaine, juste avant Noël 2017. Et puis pour les gourmands, sachez que Pierre Hermé a été sacré meilleur pâtissier du monde par le classement des 50 meilleurs restaurants de la planète. Pierre Hermé, connu pour ses macarons aux saveurs inédites, plébiscité par les gourmets à Paris, à Tokyo ou encore à Dubaï, le Picasso de la pâtisserie, règne actuellement sur 47 boutiques dans 12 pays. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Vous tous, belle matinée, surtout à 8h33. En tout cas, on est là avec vous dans le Virgin Tonic depuis 6h et jusqu'à 9h30. C'est comme ça chaque matin. On prend soin de vous. Vous qui partez au collège, au lycée, vous qui partez bosser, vous qui êtes en train de déposer les enfants à l'école. On s'occupe de tout avec Laure, avec Clément. Ouais. Bonjour. Avec la Pauline du Coucou. Standard, bien sûr. Et tiens, d'ailleurs, on te joint où, toi, Pauline? Au 3916. Le 3916. C'est le moment, d'ailleurs, puisqu'on va jouer avec vous dans un instant pour gagner. Écoutez bien, hein. Des passes. Pour 4 personnes pour Disneyland Paris. En ce moment, sur mes réseaux, on m'en demande plein. Et ben, ça me fait plaisir. On va vous les offrir. Vous partez plusieurs jours à Disneyland Paris. Et en plus, à l'occasion de la Summer Break Party by Crédit Mutuel, c'est un truc de dingue, je vous le dis. Hein. Voilà, il y a plein de grands artistes Virgin Radio, des artistes électro. Par exemple, Offenbach qui sont venus nous rendre visite un matin ici. Oui, trop bien. Ils seront là. Donc, non seulement vous avez accès à tous les parcs la journée, mais en plus, il y a une soirée très spéciale. C'est le Summer Break Party. On vous offre tout ça. C'est pour 4 personnes. C'est un très beau cadeau. C'est le 3916. Pour nous joindre, n'hésitez surtout pas. Mais pour le moment, comme chaque matin à 8h34, on a rendez-vous avec le réponse à tout de Clément Lacrus. Tonique. Réponse à tout. Passons à la réponse à tout. Eh oui, Clément va rencontrer les enfants, il leur pose des questions. Et les enfants, c'est toujours franc. Exactement. Ah, j'ai une idée. Vas-y. On va faire, on va refaire le jeu de la franchise. Oh là là là là. Ah bah ça fait longtemps. On s'engueule à chaque fois. Bah bien sûr, bah c'est ça le but. Ça s'appelle la franchise. Okay. C'est ça dans une famille. On s'engueule, mais on se pardonne. Mais on se dit les choses. Vous savez quoi, avant la fin de l'émission, on refait le jeu de la franchise. Ça m'y fait penser, on prépare ça, les amis, restez avec nous sur Virgin. Oui, Clément. Ce matin, j'ai demandé aux enfants ce qu'était un limbago. Alors, il y en a qui savent, il y en a qui se trompent et il y en a qui veulent juste faire marrer les potes. C'est quoi un limbago? Aucune idée. Ah, moi je sais. C'est un zizi tout dur. Un limbago? Oui. Un limbago, c'est un bagage. Je sais. Un bagage pour aller où?

Salut tout le monde, salut les moustachus. Salut. Salut. Bien. Ça va mon Nico? Impeccable, écoute, super. Tu viens d'où Nico? Alors je suis de Sorbier, une petite commune pas très loin de Saint-Etienne. D'accord, près de Saint-Etienne, on a Nico du bureau, hein, tu le sais qui est avec nous chaque matin, qui est de Saint-Etienne. Ouais, ah bon, bah... Voilà, ah je connais bien Sorbier, c'est à côté de la Talaudière, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, ouais, voilà. La Talaudière. La Talaudière. Voilà, Beausaigne. Beausaigne. Beausaigne, ça veut dire le pauvre, hein, c'est ça? Ouais, ça veut dire ouais, toucheur. Si on, toucheur, veut, ouais. Ah ouais, bah ouais, Nico, je connais un petit peu, je connais un petit peu le jargon stéphanois. Mon bichon, Nico, attention, tu vas jouer avec nous. Est-ce que tu regardes oui. beaucoup la télé? Un petit peu, oui, ouais, ouais. Là, ça peut t'aider, puisqu'en fait, en quelques secondes à peine, on t'a préparé un zapping où il y aura 5 émissions télé. Ça marche, allez. Tu ne réponds pas, ok, t'attends bien, tu te concentres, et à la fin, je te demanderai de me dire quelle émission on a entendue. Si tu en retrouves au moins 3 sur 5, c'est gagné. D'accord, ça marche. Tout sauf la roue de la fortune, s'il vous plaît. Ah non, non, ben non, c'est que des émissions qui passent en ce moment. Juste pour te donner une idée, mon petit Nico, quand même, hein, concentre-toi bien puisque tu peux repartir. Et on va vous offrir ça tous les matins jusqu'à la fin de la semaine. Des passes pour 4 personnes, d'accord? Accès ouais. au parc Disneyland Paris pendant 2 jours. En plus, ça tombe en plein pendant la Summer Break Party, donc tu auras une soirée de prévu pendant tout ça. Et sache que ce soir-là, en plus, ils ouvrent le parc de nuit, ce qui arrive très rarement. Il est juste privatisé là pour les auditeurs de Virgin Radio. Et vous pourrez accéder à toutes les attractions en pleine nuit. Waouh. Ah, excellent. Ah, c'est un cadeau magnifique et on va vous l'offrir tous les jours. Nico du bureau. Et ce qui veut dire aussi moins de file d'attente. Moins de file d'attente. Trop le rêve. Eh ouais. Donc la journée, voilà, la soirée, plus l'accès au parc la nuit pour 4 personnes. Nico. Ah, c'est génial. C'est le zappé comme jamais. Je te souhaite bonne chance. Parti. On y va. Concentre-toi bien. 5 émissions télé d'affilée. Bon, c'est toujours bon à prendre. Mais oui, il n'y a pas de problème. On le prend, le numéro magique. Mais on va prendre également... Myriam. Lui, on ne rigole pas du tout avec lui, non? Ouais, même la tête, on va couper la tête et on va l'enterrer très loin. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous répondons à des questions essentielles. Épilation, quel appareil pour quelle zone? Première visite de la journée pour cet expert. Bonjour, monsieur Labouze. Le restaurant de Joaquim Dos Santos a subi de gros dégâts. Cédric, 6 lettres. Et vous, Antoine? Oh, je m'excuse pour mon 8 lettres. Connasse. Nico, 5 émissions. 5 émissions très différentes de plein de chaînes. Quelle est, selon toi, la première émission qu'on a entendue? Ah, c'est pas évident. J'aurais dit Motus. Et t'as bien raison. C'était Motus, bien sûr. Thierry Beccaro et la très belle Myriam, hein, qui l'accompagne chaque jour, Thierry Beccaro. Très bien, ça te fait une bonne réponse. Juste après, ça parlait de survie. Aucune idée, je vais dire Aleman versus Wade. Et non. À tout hasard. C'était plus simple, c'était Koh-Lanta. Attention, tiens, on peut faire Maître Gims qui chante sur Koh-Lanta? Merci, c'est payant. Ensuite, cette émission qui parle de questions existentielles comme l'épilation. J'aurais dit les maternelles. Eh non. Non, c'est au programme. Sophie Davant. Sophie Davant, juste après Télématin, tous les jours sur France 2. Ah, Sophie. Là, t'as plus droit à l'erreur, hein. Allez. On continue, juste après, c'était quoi? Juste après, ça parlait de quoi déjà? Juste après, ça parlait de quelqu'un qui arrivait qui s'appelait Monsieur Labouze. Ah, Monsieur Labouze, non, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais le thème d'un peu de l'émission. Ouais. Allez, c'est simple. Alors, dans quoi est-ce qu'on voit des reportages, là, surtout, et voilà, sur les infos, c'est quoi, le JT? Le journal de TF1. Allez, en plus, c'est ça, TF1, je te l'accepte, mais bon, c'est tellement large, on peut pas savoir avec ça, j'ai envie de te l'accepter. Je peux pas plus t'aider. Là, vraiment, la dernière, il faut que tu l'aies retrouvée, mais elle est très facile. La dernière émission qu'on a entendue. Allez, je donne tout, des chiffres et des lettres. Et c'est exactement ça. Oh Oh là là, je t'ai aidé sur le JT, mais c'était tellement dur à trouver. Ça aurait pu être n'importe quelle émission. Nico, du côté de Saint-Etienne, je t'envoie tes passes pour 4 personnes pour Disneyland Paris le 9 juillet prochain à l'occasion de la Summer Break Party. Tu vas avec ta petite famille pouvoir accéder au parc pendant 2 jours. En plus, le parc est privatisé pendant une nuit. Tu pourras faire toutes les attractions que tu veux et tu pourras en plus à la Summer Break Party applaudir. J'ai toujours fantasmé sur Donald. Merci, Virgile. Merci. Fantasmé sur Donald. Tu pourras applaudir au Offenbach. Alors écoutez ça, j'adore. Le maître. Voilà. C'est tellement bien. C'est génial, hein. Ils seront tous présents à cette Summer Break Party. Merci encore et bravo à Nico. Et ce beau cadeau, on va vous l'offrir tous les matins jusqu'à la fin de la semaine sur Virgin. Tout de suite, on s'écoute Foster the People. Okay. Ouais. Et restez avec nous sur Virgin. Si vous n'avez jamais entendu une émission, une équipe se déchirer en direct, c'est le grand retour du jeu de la franchise. Aux alentours des 9h, je peux vous dire que l'équipe va sortir du studio et on devra tous dire. Il n'y a pas le choix. Restez avec nous. Excellent réveil à tous. Vous avez choisi Virgin Radio et vous avez bien fait. Dans un instant, de l'amour, des câlins, de la tendresse avec le loyer à 9h20. Un dernier tirage au sort. Ce matin, on a déjà offert pour plus de 2000 euros. Vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr. Loyer au 7-12-13 par SMS. Et puis, juste avant les câlins, des embrouilles. Oh là là. Des gueulades, des larmes. Puisque c'est le grand retour du jeu de la franchise. Vous voulez vous aussi choisir la question à laquelle je vais devoir répondre et choisir quelqu'un de cette équipe à pile ou face. Sachez les amis, vous pouvez vous inscrire dès à présent. C'est le jeu

Belle matinée à vous tous, 9h05, merci de nous avoir choisi. Le Virgin Tonic, c'est à vos côtés tous les matins, du lundi au vendredi, de 6h à 9h, même dès 5h avec Robin. Le warm-up, dès 5h, on est en direct avec vous pour ceux qui se lèvent très très tôt. Et on est très heureux d'être là dans un instant, un point sur l'actu à 9h, comme chaque matin, bien sûr. Et puis, juste après, ce sera le grand retour du jeu de la franchise. Vous nous posez les questions que vous voulez, là, au 39-16. Vous me posez la question et je serai obligé de choisir quelqu'un de l'équipe. C'est alors ça crée des embrouilles à chaque fois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué. Il y avait un peu trop de bonne humeur dans cette équipe. Je suis content qu'on remette les pendules à l'heure. Courage à vous tous. Si c'est difficile ce matin, dites-vous qu'on est à J-6 de l'été. Dans 6 jours, ça y est, c'est officiellement l'été. Alors il y a un sondage fou que j'ai découvert dans l'Institut Harris. 25% des Français ne savent pas encore du tout où ils vont partir cet été. Bon, c'est pas fou. Ah ouais, un Français sur quatre quand même. Non, mais t'improvises, tu vas pas très loin. Si tu fais des grands voyages, tu prévois, mais si tu vas pas très loin, et puis il faut se mettre d'accord avec ta moitié aussi. Moi c'est ça, surtout moi c'est on sait toujours pas où on part en janvier dernier. Hein. Voilà. Ça va être là, on n'est pas sur l'été, on s'est toujours pas mis d'accord pour les vacances de Noël là, donc mais les précédentes, donc on est un petit peu en galère. Nous ça c'est l'embrouille. Mais parce qu'on n'est jamais d'accord avec ma chérie pour une raison simple, c'est qu'elle aime partir loin. Ouais. Moi j'ai très peur en avion, donc elle veut toujours partir en avion et moi j'ai peur, donc on tombe jamais d'accord. Ouais. Ça c'est pas possible. Et alors elle a un truc aussi sur lequel on tombera jamais d'accord, c'est que elle veut toujours choisir les restos en fonction du guide du routard. Ouais. Vous voyez? Ouais. Genre on est dans un endroit, elle voit le guide du routard et non mais le resto a l'air bien. Et toi tu regardes, les vitres sont dégueulasses, les plats, tu sens qu'il est à l'abandon le resto, il y a des pigeons en train de manger dans les assiettes et tout. Et tu dis mais non mais c'est infect là, on va tomber malade. Non mais dans le guide du routard il y a 4 assiettes donc ça veut dire que c'est bien. Tu dis non mais à un moment donné il y a nos yeux aussi qui font que là tu vois que ou ça a changé de propriétaire ou je n'en sais rien mais ça ne va pas. Ben non, il faut quand même y aller et on tombe malade. C'est fou ça, Nico du bureau. Tu choisis juste au feeling toi les restos. Genre tu vois le resto, tu dis ah il est vide, j'y vais pas, il est plein. Moi je vais dire un truc, je suis fils de restaurateur. Oui, bah justement. En 5 secondes, je peux vous dire si le resto est bien ou pas. Ah ouais. Comment alors? Il y a plein de choses, les amis. Il y a plein de choses. Ouais. Non, l'accueil et tout, c'est une chose. Moi, je vous dis sur les trucs. Déjà, une carte, vous savez, une carte de restaurant où il y a 82 plats. Non, c'est pas possible. Ah, bon. Un resto qui sert une choucroute, un steak frites et des moules, il y a un problème. C'est clair. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout garder au frais. Non. Eh oui, par exemple, une choucroute. Oui, une choucroute. Bah, tiens, je vais vous donner un conseil. Ça m'en prend beaucoup en vacances, en plus, au bord de la plage. Non, mais je vous dis une choucroute, par exemple. Vous savez comment on fait une bonne choucroute? Il faut énormément d'installations. Ça vous prend une moitié de cuisine parce qu'il faut plein de bain-marie. Voilà, il faut garder le chou au bain-marie, il faut garder les saucisses au bain-marie. Et on ne peut pas comme ça. Quand on fait de la choucroute, on fait presque que ça. Parce que ça prend toute une cuisine quasiment. Bien on ne peut pas dire, ouais, j'ai une choucroute, puis on fait aussi des pizzas. C'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Non. Donc voilà. Il paraît qu'il y a une carte où il y a les photos, c'est pas bon non plus. Ouais, non. Ça, c'est pas complètement vrai. Mais en tout cas, tu sais que voilà, les photos, ce sera jamais ce que t'as dans l'assiette. Mais en tout cas, c'est pas complètement. Et oui, Clément. Moi, je vais jamais quand il y a des rabatteurs devant qui te disent, venez et tout. Je me dis, s'ils ont besoin de payer quelqu'un pour te dire de venir, c'est que tu vas pas de toi-même, c'est pas bon. C'est clair. Je vous dis, il y a des petites astuces comme ça. On sait tout. Et dans deux secondes, vous le savez. Bah, bien sûr. Quel est le truc, tiens, vous aussi, sur lequel vous tombez jamais d'accord en vacances? Tiens, toi, t'es en couple depuis très longtemps, Laure. Ouais. Enfin, c'est ton mec qui me disait ça hier depuis trop longtemps. Quand tu prépares tes vacances avec ton Juju, quel est le truc sur lequel vous tombez jamais d'accord? On n'est jamais d'accord sur l'horaire de la plage. Moi, je veux y aller le matin pour amortir la journée entière et bronzer et tout. Et lui, il veut y aller en fin de journée. Mais je vois pas l'intérêt d'aller en fin de journée à la plage. Ça tape moins. C'est ça. Alors lui, il veut que ça tape moins et il veut juste boire un petit apéro. Mais moi, je veux que ça tape au maximum. C'est pas possible. On est pas d'accord. C'est pas possible. On s'embête trop sur la plage, Clément. Moi, mon ex, elle voulait toujours un petit truc dans l'arrière-pays pour être plus au calme. Alors que non, si tu veux aller à la plage, si tu veux pas prendre ta voiture, tu prends un truc sur la plage ou pas. Elle est comme la mienne, elle aime les visites. Elle aime les visites, voilà. Alors que nous, on aime la plage à pied. Tu vas à la plage et elle veut aller visiter le petit parfumeur à Grasse. Qui fait du parfum jasmin magnifique. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Les excursions. J'adore. Oui, j'en suis sûr. Les petits marchés. Les petits marchés. Des balades. Ah. Bien sûr. C'est quoi, toi, avec quoi tu tombais jamais d'accord avec ton ex ? Moi, sur la photo. C'est-à-dire que lui voulait prendre son gros appareil avec les objectifs et tout. Ouais. Et c'est super lourd, c'est chiant. Alors, je trouve qu'avec un iPhone, maintenant, on fait des trucs super. Ouais. Il y a des filtres. Bah oui, il y a les filtres. Et puis, ça prend très belles photos. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est peut-être le seul truc sur lequel je suis d'accord avec ma chérie. Attention, on va demander à Anna, tiens. Anna qui est avec nous au 3916. Anna, est-ce que t'es en couple ? Oui, je suis en couple, Camille. Bonjour tout le monde. D'accord. Bonjour. Anna, oui. Tes dernières vacances, est-ce que c'était au Montana ? Mais c'était pas la dame. Quoi ? Anna, ma chérie. Ils m'en font pas beaucoup, moi. Anna, ma chérie, est-ce qu'il y a un truc avec lequel tu tombes jamais d'accord avec ton chéri ou ta chérie ? Ah ouais, mais carrément. Alors, c'est sur quoi ? C'est sur le nombre de chaussures que j'emporte en vacances avec moi. En fait, moi, je veux toujours prendre au minimum 5 paires parce que, tu vois, il faut la paire de talons si on veut sortir le soir, les baskets pour la rando, les tongs pour la plage et tout. Du coup, ça me fait prendre une valise en plus, voire squatter la sienne, voilà. En fait. Mais c'est toujours comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est pas juste parce que vous, les mecs, avec une paire de chaussures, vous faites tout. Bah, évidemment. Mais après, on sent des pieds. Ah bah oui. Mais non, mais c'est vrai, on fait tout. Mais je le dis souvent, mais la valise d'une femme en vacances, c'est fait à 80% de au cas où. Voilà. On sait jamais ce qui peut arriver. Oui, Laure. Bah, 5 paires, moi je la trouve super gentille. Hein. Ah bah oui, non, mais minimum quoi. Ah bah oui, mais 5 paires, si tu pars en vacances au bord de la mer, il te faut quoi ? Une paire de tongs, une paire de chaussures pour la journée, une paire de talons, déjà c'est bien. Moi, l'été dernier, j'ai pris 22 paires. C'est une blague. Ah non, je te jure, je te montrerai la photo. Ah, bah, 22 paires de chaussures ? Ouais, ouais, monsieur. Et tu pars même pas 22 jours. Bah ouais. Et 20, non, mais sans blaguer. Sans blaguer. Et il faut un kangou que de chaussures. Avec tout ce que j'achète comme chaussures, si je peux pas les porter, je vois pas l'intérêt, donc j'ai plein de chaussures. Mais en plus, t'en rachètes là-bas, j'imagine. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Oui, Pauline, au standard. Je la sens pas. Je sens pas du tout, Pauline. Non, non. Je te jure, à chaque fois que je rentre à Bordeaux, je ramène tellement de choses. Ma valise est tellement grosse et tout que mon père, quand il vient me chercher à la gare, il me fait : t'as arrêté la radio ? Tu rentres à Bordeaux ? T'es viré ? Tu peux me le dire. Tu peux me le dire, ma chérie. Tom, mon bichon, t'es en couple ou pas au 3916 ? Salut, Camille. Ouais, je suis en couple depuis 6 ans. T'as un chéri ou une chérie ? Une chérie. Et avec quoi, sur quoi tu tombes jamais d'accord avec elle pour les vacances ? Le moment dans l'année où on part. Jamais. En fait, moi, j'aime partir hors vacances scolaires. C'est moins cher, il y a moins de monde. Sauf que ma chérie, elle veut partir début août. Parce que sa meilleure copine, elle part début août. Elle a les vacances scolaires. Sauf que bah, ça coûte le double ou le triple de si on partait en juin ou en septembre. Et puis, sur la plage, il y a trop de monde. C'est infernal. Ouais, je suis d'accord. Bah, si t'as la possibilité de partir en décalé, pars en décalé. Hein. Et on a la possibilité, c'est ça le truc. Donc à chaque fois, c'est une source d'embrouille. Mais si t'as la possibilité de partir en coupé décalé, ouais. C'est un peu plus long sur la route, mais si tu peux partir en décalé katam, vraiment. Si t'as la possibilité de partir et de caler, vraiment change de voiture. Tom, je t'embrasse très très fort. Anna Montana, je t'embrasse aussi, ma chérie. 9h02, on fait un dernier point sur l'actu, c'est très important. Et dans un instant, appelez-nous au 3916. Vous posez toutes les questions que vous voulez, les plus embarrassantes. On sera obligé d'y répondre et de choisir quelqu'un de l'équipe. C'est le grand retour du jeu de la franchise. Ça va créer une embrouille dans cette équipe, comme d'habitude. Et c'est Coldplay qui arrive pour le pop rock électro. Ne bougez pas. Pop rock électro. Et les infos partout en France, je peux vous le dire, vous l'entendez dans toute la France actuellement, c'est notre ami Tristan Sarah qui est là. Salut Camille, bonjour à tous, il fait plutôt beau en ce moment sur la région parisienne, mais le temps va virer à l'orage dans le courant de la journée, de grosses averses et des coups de tonnerre sur tout le pays. Le soleil restera présent uniquement sur le sud-est, 19 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 22 à Lyon et 23 à Marseille. La France a subi une nouvelle attaque djihadiste hier soir près de Paris. Un homme se réclamant de Daesh a tué un couple de policiers à son domicile des Yvelines. Action revendiquée par le groupe État islamique. Le meurtrier a poignardé le policier en civil à 9 reprises. Et sa femme, également fonctionnaire de police, a été retrouvée égorgée dans sa maison. Seul leur enfant, un petit garçon de 3 ans, a été épargné. Il a été recueilli par les hommes du raid qui ont abattu l'assaillant. Le meurtrier était un jeune de 25 ans. Il avait été condamné en 2013 pour sa participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. C'est la journée de mobilisation nationale contre la loi travail. La CGT attend beaucoup de monde dans les rues de Paris avec 600 cars affrétés dans toute la France, mais aussi dans une cinquantaine de villes. Une journée pour réclamer le retrait du texte actuellement au Sénat. Il y a encore des grèves ce mardi, notamment à la SNCF avec 7 TER sur 10, mais aussi dans les crèches, dans les airs avec les pilotes Air France et également sur les routes, la mobilisation annoncée des taxis. Un Français sur 5 a du mal à se chauffer, constate de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publiée ce matin dans le Parisien. 20% des ménages ont donc du mal à payer leur facture d'énergie. C'est un chiffre en hausse de 50% en quelques années avec la crise et l'augmentation des prix. C'est le 14 juin, la journée mondiale des donneurs de sang. Opération soutenue par Virgin Radio. Le don du sang, c'est gratuit et ouvert à tous. Pour vous renseigner, le site jedonnemonsang.net. Une descente anti-hooligan ce matin dans les Alpes-Maritimes. Après les violences du week-end à Marseille, les gendarmes ont contrôlé vers 7h l'identité d'une trentaine de Russes à la sortie de leur hôtel de Mandelieu qu'ils quittaient pour rejoindre Lille en bus avant la rencontre de demain Russie-Slovaquie. Leur identité va être transmise à la justice. Et l'Euro de football sur le terrain, c'est la victoire de l'Italie 2-0 hier soir face à la Belgique. L'Espagne s'est imposée 1-0 sur la République tchèque. L'Air et la Suède ont fait match nul, un but partout. Deux rencontres ce soir, Autriche-Hongrie à 18h à Bordeaux et Portugal-Islande 21h à Saint-Etienne avec Ronaldo dans le chaudron. La finale du championnat de France de basket aussi, Strasbourg-Villeurbanne, ça se joue ce soir. Les équipes sont à égalité, deux manches partout. Le coup d'envoi, c'est à 20h30 en Alsace où Tony Parker a fait le déplacement. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tony. Bon réveil. Excellente matinée à vous tous, 9h06, vous êtes en direct bien sûr sur Virgin Radio, on est là à vos côtés chaque matin du lundi au vendredi avec toute l'équipe bien sûr. Oui. Une équipe soudée, une équipe aimante jusqu'à maintenant. Ouais. Puisqu'il est grand temps de jouer au jeu de la franchise, Jennifer est avec nous au 3916, bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi ma belle, on est mardi aujourd'hui, vous savez qu'on a un dernier loyer à vous offrir comme tous les matins, c'est pas pour rien qu'on prolonge jusqu'à 9h30, loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. On aura donc un dernier gagnant. Déjà plus de 2000 euros de loyer offert ce matin. Plus de 3000 hier. Ouais. On espère qu'on va continuer comme ça. Mais pour le moment, il est temps que toute l'équipe s'embrouille. Je vous explique. Allez sur Periscope, Twitter, hein, le Twitter officiel de l'émission. Et vous serez avec nous directement dans le studio. Et là, Jennifer, tu m'as prévu une question. Le principe est simple. Tu me poses une question. L'équipe va sortir du studio. Je vais tirer à pile ou face. Oui. Je vais devoir choisir quelqu'un de l'équipe. Hein, ça concerne toujours quelqu'un de l'équipe. Bien sûr. Pile, je devrais vous révéler quelle est la question et pourquoi je vous ai choisi. Face, ça restera un secret à tout jamais entre tous les gens qui nous écoutent, Jennifer et moi. Okay. Jusqu'à ce qu'on écoute le podcast. C'est ça. Exactement. C'est ça. L'équipe, oui. On y va. Je vais vous demander de sortir du studio, de fermer la porte. Vous n'entendiez pas quelle est la question de Jennifer. On coupe bien les retours dans le couloir, bien sûr, hein, que personne n'entende. Jennifer ? Oui ? J'ai aucune idée de la question que tu vas me poser. J'imagine qu'elle sera forcément embarrassante. C'est pas pour rien que t'es là. C'est ça, pour foutre de la merde. Bah, bien sûr. Et ensuite, à mon tour, je pourrais poser une question à la personne que j'ai choisie. Ma petite Jennifer, quelle est la question à laquelle tu as envie que je réponde ? Bah, c'est bientôt les vacances. Alors du coup, je voulais savoir qui dans l'équipe va le moins te manquer cet été. Ah, c'est sympa. Donc parmi toute l'équipe, parmi Nico du bureau, Ginger, Laure, Clément et Pauline, qui va le moins me manquer ? Oui. Ok, mon choix est fait. Rentrez dans le studio l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Prenez place. Salut. Les amis. T'es beau Camille. Merci. Sexy. La question est... Qui ? La question que j'ai failli la donner. Attends. J'ai choisi quelqu'un. Elle m'a posé une question qui concerne toute l'équipe. Ouais. J'ai choisi une personne. J'aime pas ton regard. Et la personne que j'ai choisie... Mm-hmm. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline ? Ah non, c'est toujours moi. Mais non, mais des fois, c'est gentil aussi. Non, c'est toujours moi. Non, c'est jamais gentil. C'est Pauline. Ouais. Oh, ah bah voilà. Oh, Pauline. C'est méchant. Oh, mais quoi ? C'est toi qui poses la question. C'est toi qui poses la question. Alors, le principe, il est très simple. On tire à pile ou face. Pile, je devrais affronter ton regard et te dire quelle était la question. Face, ça restera un secret entre Jennifer, moi et tous les gens qui nous écoutent. Et iTunes, quand j'ai écouté les podcasts. Attention, pile ou face. T'as enfin appris ce qu'était pile et face? C'est face. C'est face. Je n'ai pas le dit. Oh là là. Oh. Tu dis pas? Ah bah non, Jennifer, elle a fait face. Elle ne le saura jamais. Bah heureusement pour toi, Pauline. Heureusement pour toi, Pauline. Pauline, rejoins-moi. Je vais maintenant te poser à mon tour une question. Viens, viens, viens près de moi. Je vais couper les micros de Jennifer, tu restes avec nous. Oui. Et tu vas devoir à ton tour choisir quelqu'un de l'équipe et jouer à pile ou face avec lui. Attention. Donc là, il lui dit dans l'oreille. Je coupe le micro. On n'entend absolument pas la question qu'il est en train de lui dire, mais Pauline fait une tête scandalisée. Donc la question doit être violente. Et Laure se dit, c'est sur moi que ça va tomber. La question est posée. La question, je peux vous dire... Je sais pas, alors attention Pauline, je ne sais pas qui tu vas choisir. Ouais. Mais alors celui que tu vas choisir c'est moche. On parle de confiance. Non, c'est pas vraiment moche. On parle de confiance, on parle de lien. Ouais. Ok. Pauline, qui tu choisis? Bon, Clément. Ah. Oh, je n'aurais jamais cru. Non, mais il y a une raison. Il y a toujours une bonne raison avec Pauline. Ouais. Clément, on tire à pile ou face. Pile, tu dois... Pile, Pauline devra te dire la question. Face, ça restera un secret à tout jamais. Pile. Oh non. C'est pile. Oh, oh, non, c'est horrible pour moi. C'est-à-dire, je me prends un truc de toi et... Bon, je vais poser... Attends, je vais dire la question que j'ai posée. Après, tu nous expliqueras ton choix. Ok. Ah. La question que j'ai posée à Pauline, Clément, elle est très simple. Ouais. Imaginons qu'on fasse tous Koh-Lanta demain, d'accord? On est les Maasai, on est tous la tribu jeune. J'ai dit à Pauline, selon toi, on fera forcément un pacte de on va au bout ensemble, on ira sur les poteaux ensemble. J'ai dit à Pauline, selon toi dans l'équipe, la première personne qui te trahira, qui fera une alliance avec l'autre équipe, mais c'est sûr. Quoi? Clément, tu lui dis n'importe quel secret. Comme c'est un jeu, si c'est un jeu, bien sûr. N'importe quel secret, il le répète. Même si c'est grave, il s'en rend pas compte. Non, il le répète. Mais je le dis de pas me les dire. Je sais pas garder ma langue. Donc ne me dites pas vos secrets. Et je dirais pas, par exemple, que la meilleure phrase, c'est Laure qui l'a sur les secrets. C'est quoi? Ah, mais j'avais dit, je comprends pas. J'avais dit à tout le monde de le dire à personne. Mais je dis pas. En revanche, je le dirai à personne. C'est qu'on me le dit, je l'entends, je le répète en vanant. Et je me rends pas compte. J'ai le droit de poser une question ou pas? Clément, ça veut dire que selon Pauline, tu es la personne la moins fiable de cette équipe. C'est pas, mais c'est pas, sûr. Pas fiable, c'est qu'il ne peut pas garder un secret. Donc il irait voir l'autre équipe pour dire ouais, on a prévu de faire ça. Je dirais ouais, j'arriverais pas à mentir à l'autre équipe en disant apparemment ils ont fait ça et tout, ils vont vous avoir et c'est abusé. Tu sais quel est son petit surnom au bureau? Ah, Clément? Ouais. Non. Balance. La petite Poucave. Ah bah oui. C'est connu. Je la prends. La petite Roucave. Clément, alors, ça veut dire que je peux balancer tous les secrets. Pense maintenant à une question et tu donnes la pièce à quelqu'un. Ok. Ah, moi-même. Non, c'est Pauline qui doit poser une question. Pardon. Ah oui. Pauline, pose une question dans l'oreille de Clément. J'ai le droit de donner la pièce à Pauline? Non. Ah bah, non. Et tu choisis une personne dans l'équipe. C'est le jeu de la franchise. Jennifer, vous pouvez jouer chez vous avec votre famille ou quoi, vous verrez qu'il n'y aura plus d'héritage. Il n'y a rien qui met le plus d'embrouille. Que des trucs comme ça, mais oui. Attention, Clément t'a posé une question. Il va falloir que tu donnes la pièce à Nico du bureau, Laure, Ginger, Pauline ou moi. Oh non, C'est pour Laure, ouais, j'adore, c'est mes préférés. Laure, on y va, on tire à pile ou face. Attends, je me rappelle déjà ce que c'est pile, ouais. Hop. Elle m'a posé une question plutôt gentille. Elle m'a dit, si t'étais accusé dans un lourd procès, qui est-ce que tu choisirais pour te défendre? Et c'est tellement une arnaque des fois, Laure, qu'elle arriverait à m'éviter la prison. Laure, mais franchement, elle aurait dû faire avocat. Ouais. Mais t'as raison. Ah, mais Laure, c'est la seule. Bon, bah écoutez, là, monsieur, je suis désolé, ça va être 20 ans. Attendez, monsieur le juge. Une seconde quand même. Tenez, je vous ai fait une petite tartine déjà, ça c'est pour moi. C'est normal, c'est pas facturé, je prends pas d'honoraire là-dessus. Mais monsieur le juge, vous pouvez pas faire ça avant. Regardez comme il est gentil. Franchement. Faites-moi 20%. Mettez 20 ans, mettez-lui 16 ans. Faites un petit 20%, c'est commerçant quand même. Oui, Clément. J'ai le temps pour une dernière ou pas? Une dernière question. Allez. Okay. Tu la poses à qui? Ah, mais c'est à moi. Bah, alors, vas-y, allez, très très vite. Allez, on y va. Et après, il y a votre loyer qui arrive, hein, bien sûr. On sera un petit peu en retard, mais on n'oubliera pas. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Il n'est pas trop tard. Sachez-le, les amis, on aura un dernier gagnant ce matin. On se prend au jeu. Hein. Elle est violente, celle-ci. On n'est jamais allé aussi loin et t'es jamais tombé sur la pièce, toi. Ouais. Bah, chauffe pas l'or. C'est rien de chauffer la pièce, l'or, hein. Tu sais, c'est. Ah, si, moi j'aime bien ça. Alors, qui tu choisis pour la question de Clément? Nico du bureau. Oh, c'est horrible. Le problème de ce jeu, il est marrant jusqu'à ce qu'il y ait l'or ou Nico. C'est vrai, il ne faut plus que se passer la pièce. L'un et l'autre. Ah, c'est chien et chat, comme on dit. Nico, très vite. Bah pile en fait. Ah pile. J'adore. Quelle était la question de Clément? Je l'ai dit, je lui ai demandé qui selon elle dans sa vie sera le plus trompé par son conjoint. Faut pas remettre ce que tu fais aux gens. Mais pourquoi Nico? Bah parce que pour moi c'est un faible. Un faible de quoi? Faut poser les bonnes questions les amis dans le jeu. Non, ma chérie. Mais pour moi t'es faible. Ma chérie, faut remettre le filtre. C'est horrible. Un faible de quoi? Non mais c'est pas méchant. Non c'est même gentil. Je suis choqué. C'est de la générosité, tu donnes ta conjointe. Ok mais... c'est l'ambiance, c'est ce que j'aime. C'est délétère dans le studio. Oh là là là. Plus personne peut se blairer. Jennifer, merci d'avoir joué le jeu avec nous. Tout de suite on écoute Coldplay sur Virgin Radio. J'adore ce jeu, on le refera très vite, le jeu de la franchise. Bien on est en direct avec vous. Hi, this is Christian and Coldplay on Virgin Radio. All angels sent from above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, it keeps me. I was so heavy, pour on a symphony. When I'm low, low, low, low, low, I'm a feeling drunk and high, so high, so high. Oh, I'm feeling drunk and high, so high, so high. Je vous souhaite une très très belle matinée. Merci de la commencer en tout cas sur Virgin Radio. Plus nombreux chaque matin, mardi 14 juin. Un dernier tirage au sort pour le loyer. Ça arrive dans 2 secondes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS. Il y aura aussi ta chanson rien qu'à toi. Ouais. Inscrivez-vous sur Facebook. On vous rappelle au 39 16. On crée une chanson que pour vous en quelques secondes. Bon réveil. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez? C'est fou! C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Il est compétent. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Il plaît aux femmes. Je sens déjà qu'on a un bon feeling. Et il est de retour. Je m'appelle Oxaf Parango. Gaspard Proust,

On a payé plus de 2200 euros de loyer déjà ce matin et c'est pas terminé puisque là vous vous êtes inscrit au 7 12 13 et qu'est-ce qu'on va faire? On va composer le numéro, on va appeler, on va poser la question et puis juste après, il y aura la chanson Rien qu'à toi. C'est un quart d'heure que je mâche ce bout de tartine. Allez, c'est parti. C'est parce que c'était du bois, on t'a fait une blague. Merci, j'ai une écharpe dans la gencive. On a perdu l'or. Attention, on y va, c'est parti. Dernier tirage au sort de la matinée. Que des gagnants depuis le début de la semaine. Depuis hier, 6h20. Ouais, non, ouais. On avait que des gagnants jusqu'à présent. On avait offert pour déjà 5400 euros de loyer depuis hier, 6h20. Et là, voilà. Là, c'est la tuile. Premier échec. Vous le savez, on n'a pas le droit de vous rappeler. Je suis désolé pour tous les gens qui étaient inscrits, qui avaient leur téléphone près d'eux. Il faudra vous réinscrire autour du loyer demain, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. On appelait qui ? On appelait Dominique. Garçon, fille, on ne sait même pas. On sait pas. Ben, Dominique, je suis désolé, malheureusement. Il fallait décrocher ton téléphone. On appelle, voilà, toutes les heures. C'est un appel masqué. Bah ouais. Oui. Il faut le dire. Eh ben oui, donc voilà, faut vraiment décrocher votre téléphone. Les amis, c'est pas grave, retour du loyer demain, je vous l'ai dit. Pierre-Alex est là déjà. Oui, il est là, bonjour. Jusqu'à midi, c'est parti dans un instant. Oui, je suis prêt. Mais avant, on chante. Surprise ce matin, bah bien sûr. Avant, on chante, c'est ta chanson, rien qu'à toi, ça va tous les jours dans l'émission, bien sûr. Allez, oui, youpi, c'est ta chanson, rien qu'à toi. Oh, rien qu'à toi. Et c'est Camille ce matin qui va nous raconter toute sa vie et qui va nous dire voilà tout ce qu'on va découvrir sur lui ou sur elle, mais j'imagine sur elle. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bien sûr. Toujours les filles. Ouais. Et ma Camille, ma chérie, tu nous dis tout ce que tu veux. Tu t'inscris sur Facebook comme tout le monde. On t'a rappelé au 3916 et on va créer une chanson que pour toi en quelques secondes. Et en plus ce matin, attention. Ouais. Ah. J'ai récupéré le piano. Oh. C'est un mélodica. Il va y avoir des solos de Camille. Alors il faut expliquer, c'est un mélodica, c'est-à-dire qu'il faut souffler dedans. Donc si par moment, ouais, voilà. Ouais, c'est entre l'accordéon, la trompette et le piano. Exactement. À éviter pour les asthmatiques. Bien sûr, c'est un instrument qui est compliqué. Oui, Nico du bureau. Nico Bou. Tu évites de mettre de la tartine dedans, s'il te plaît. Bah là, ça va être mal barré. Ça va être assez mal barré. Camille, joli. Ma chérie, qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi? Dis-nous tout. À quel âge déjà? Alors, j'ai 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh, happy birthday. Oh, bon anniversaire, ma belle. Bon anniversaire à toi. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je suis kiné à la campagne. Génial, génial. Ouais, c'est cool. T'es mariée? On trouve. Je suis pas que c'est avec mon chéri depuis 2 ans qui s'appelle Mathieu. Oh là, très bien. Mathieu, d'accord, parfait. On va lui. On en placera une pour Mathieu, ok? On dira un petit mot pour Mathieu, bien sûr. Alors, on a eu un petit garçon qui s'appelle Raphaël. Qui va avoir 15 mois, qui est notre petit rayon de soleil. Très beau prénom, c'est le prénom de mon neveu aussi, Raphaël. Oui. Très très beau prénom. Après, pour la petite dédicace à Boline, moi je suis née à Bordeaux et on habite à 50 minutes de Bordeaux à La Réole. Ah, je connais. La Réole ? Oui, oui, oui, je connais. Ah, c'est paumé. C'est la juste sous l'aisselle, non? Oh non. Voilà. Mais c'est, c'est paumé, mais c'est sympa pour se reposer. Bah, c'est bien. C'est la campagne, là, on est en plein dedans. D'accord. Sinon, moi, on vient d'acheter une maison dans cette campagne paumée, du coup, donc on est hyper contents. C'est super bien. Sinon, dans la vie, moi, je fais de la danse, du modern jazz. Ouh, pas mal. Et d'ailleurs, on a un gala le 2 juillet, hein, si vous voulez passer. Hein, on sera là. Plaisir, hein. Eh ben écoute, Clément sera là. Ouais, moi j'adore la danse. Écoute, tu restes à date de défi, mais bon, ça sera pas mal. Mais faut pas qu'il danse, hein. Ah non, ça, d'accord. Okay. Détrompe-toi. Je maîtrise le moderne jazz. Ah bon ? Eh ben écoute, viens nous faire une démo, y a pas de souci, hein. Non, non, mais vous savez quoi? Puisqu'il fait le malin, restez avec nous sur les réseaux, puisque juste après l'émission, on filmera Clément sur du modern jazz et vous ferez un avis sur savoir s'il sait danser ou pas le modern jazz. Ok, faut que je m'échauffe. Excuse-nous, Christophe Licata. Faut qu'il s'échauffe, donc faire du modern jazz, très bien. Quoi d'autre, ma Camille? Alors, sinon, je suis relativement gourmande, j'adore le chocolat, et notamment, comme on vient du sud-ouest, pour le petit déjeuner, les chocolatines. Eh oui. Grande fan, eh oui. C'est le pain au chocolat, hein, pour bah les oui. Bah oui, bien sûr. Oui, oui, mais nous, c'est chocolatine, ça fait vachement plus. Ça donne plus envie, quoi, c'est plus gourmand. J'avoue que le nom est mieux. Bah oui, c'est mieux. Et chez moi, c'est pain au chocolat. Bah. Ah oui, ouais, bah c'est alors. J'ai envie, hein. Bah oui. Et ouais. Et après, sinon, mon chéri, il adore me chambrer parce qu'il trouve que j'ai vachement d'accent. Alors moi, je m'entends pas parler et je trouve pas particulièrement, mais lui, il me reprend souvent dans mes mots pour enlever mon accent. Ah bon, je trouve pas que t'es d'accent? C'est sur certains mots, le sud-ouest, rose, c'est comme Pauline. Ouais, voilà. Moi, je l'ai aussi, mais là, ça va. Enfin, on n'entend pas trop d'accent, ma Camille. Mais moi non plus, hein, mais lui, souvent, il me reprend des fois quand je parle en me disant je comprends pas, et il me fait reprendre son accent. Pas très sympa. Mathieu, je vais te dire, on va te défoncer dans la chambre. Oh non, le pauvre chéri. Non, on laissera pas passer ça. Il y a d'autres choses que tu veux nous dire ou on y va? On y va en musique, on y va à fond. Pas mal là déjà. Et on a plein de choses, moi c'est pour toi. Hein. Si tu as envie de placer des dédicaces à des copines ou quoi, c'est le moment. Hein. Non, ça va, ça me va bien. Non, j'ai pas d'amis. Je ne désire pas communiquer avec mes amis. Nico Bou, c'est parti. Ouais. Tu en connais? Ouais. C'est le seul morceau que tu sais jouer. Non, c'est pas vrai, il a pris vachement de trucs depuis. Mais celui-là, il le fait mieux que les autres. Deux, trois, quatre, elle est née à Bordeaux, elle habite du côté de l'Aréole. C'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille. Elle a un prénom qui marche aussi pour un garçon. C'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille. Joyeux anniversaire, toi qui as 30 ans aujourd'hui. C'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille. Sache que Mathieu t'a préparé une belle surprise. Ça lui colle la pression, ça lui colle la pression. Bim. Spécial big up au petit garçon. À toi Raphaël, des poutous mignons. Solo. Notre Camille sans boulot, à elle c'est qu'il est. C'est notre copine Camille, hey. C'est notre copine Camille. Justement quand je lève le bras, comme ça fait un peu mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, j'en profite, quelque chose. Elle a un gala de danse de juillet. Alors ça veut pas dire qu'il y a vraiment gala qui vient danser, qui vient chanter, hein. C'est pas un choix. Je sais qu'il y en a qui confondent ici. Solo. Elle préfère chocolatine, préfère chocolatine. Elle a un bel accent mais ça s'entend pas du tout. C'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille. Et pour finir ta chanson. Attention Camille, Camille garçon. Dernier solo, c'est parti. Est-ce que tu en fais en fait? C'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille, c'est notre copine Camille. C'est bon, non c'est bon. Non, on a dit que c'était bon. Plus jamais je le ramène. Tom Sawyer quoi. J'ai plus de souffle. Ah, t'as pas donné. Mais il y a des moments où faut s'arrêter quand même. J'ai plus de souffle, j'ai plus rien. Camille, ça t'a plu? C'était super, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je t'accompagne au Mélodica, ton show de Modern Jazz? Ah ouais, ça serait génial. T'en penses pas un mot, mais ça me fait plaisir. Ma petite Camille, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. On embrasse fort Raphaël, ton petit bébé de 15 mois. On embrasse fort Mathieu, ton chéri. C'est chaque jour la chanson rien qu'à toi. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook, évidemment. Les amis, ça a été encore une belle journée. Merci à l'équipe d'avoir chanté. Oui. Merci à Nico Bou, bien sûr, évidemment. On a plein de petites copines de l'émission qui viennent nous voir de temps en temps, des fidèles auditrices. Et c'était l'anniversaire de Juliette cette semaine. 18 ans, ça y est, c'est le permis, Juliette. Ben ouais. Ben ouais. Passé, là. T'as eu le bac? Ben non, je passe le français. Ça veut dire que t'as redoublé, ça? Oui. Ah, quelle classe t'as redoublé? La première. Ah, moi aussi. Ben regarde où ça te mène. En plus, Laure, t'as 18 ans aussi, toi, cette semaine. Ouais, bah ouais. Non, elle a redoublé depuis 18 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Merci les amis de nous avoir été fidèles une nouvelle fois. On va se retrouver demain dès 6h. On aura encore aussi des smartphones, des tablettes Arcos, édition limitée, équipe de France, des séjours pour la Summer Break Party à Disneyland surtout, et accès pour 4 personnes à tous les parcs Disney, et puis surtout même la nuit privatisée. Vous pourrez aller faire juste entre quelques privilégiés toutes les attractions et sans la file d'attente, bien sûr. Des séjours partout en Europe à gagner encore demain. Et puis, comme chaque jour, évidemment. Une question de ouf, 01 84 07 08 09. Dès maintenant, vous pouvez nous joindre à ce numéro et laisser votre message. La question de demain, Clément, Venez nous donner votre petite astuce pour économiser de l'argent pendant les vacances ou juste avant les vacances. Parfait. Les amis, je voulais encore vous remercier d'avoir été là. Sachez que toute l'émission est bien sûr à retrouver en podcast et qu'on reste avec vous sur les réseaux toute la journée. On répond à tous vos messages. Vraiment, on est très heureux d'avoir de vos nouvelles tous les jours. Et puis, Clément sur du Modern Jazz, hein, qui vont arriver très très vite sur le Facebook de l'émission. Oui, Nico du bureau. Et demain, on est mercredi. Mercredi dernier, on a fait Kids Tonic. Et demain, on a des enfants qui viennent nous voir aussi pour le concours du journal de Mickey. Ils vont nous raconter des blagues. La meilleure blague grâce au journal de Mickey. Et si vous n'avez pas pu suivre la semaine dernière le Kids Tonic, c'était une émission entièrement, voilà, rempli d'une cinquantaine d'enfants entre 6 et 10 ans. Et vraiment, on s'est éclaté à l'affaire. N'hésitez pas à retourner voir le podcast vidéo. Pierre-Alex, 9h34, c'est ton heure. C'est parti, c'est mon heure. Et attention, ce matin, vous allez gagner Electrochoc. Il y a plein de monde qui me demande sur Twitter si tu vas jouer du Melodica. Electrochoc. Alors, j'aurais du mal à y être parce qu'on n'a touché pas mon poste le soir. Et le lendemain, on a notre dernière qu'on fera en direct de Aix-en-Provence. La dernière de l'année, la dernière du Virgin Tonic. On va faire une émission complètement dingue avec vous, bien sûr. Sinon, on en verra Vianney. Melodica. Oh là là, les amis, on va se retrouver demain, bien sûr. Donc, les places pour l'Electrochoc à gagner. Voilà, place à gagner. C'est les dernières. J-9. Et J-9. Avant l'électrochoc, c'est à Lyon, à la Halle Tony Garnier. C'est le 23 juin, c'est ça? 23 juin, et c'est pratiquement complet là. Il y a pratiquement plus de place. Et là, le truc de Pierre-Alex, c'est que où que vous soyez en France, peu importe, Pierre-Alex vous offre tous les transports, l'hébergement, tout ça. Parce qu'on a énormément d'auditeurs de Lyon en ce moment, nous qui gagnent aussi le matin, qui jouent avec nous. Donc voilà, vous êtes de Lyon ou d'ailleurs, n'hésitez pas, ce sera une soirée exceptionnelle. Pierre-Alex, on est avec toi jusqu'à midi? Ouais, je compte sur vous restez avec moi. Et surtout, on reste pour Zara Larsson, qui sera là dans quelques instants. La star de l'Euro. Ouais. Pourquoi de l'Euro? Parce qu'elle joue avant centre en Suède. Elle a marqué deux buts, tiens. Pourquoi la star de l'Euro? Parce qu'elle a signé l'hymne officiel de l'Euro avec David Guetta. Tu l'adores? Eh oui. C'est le morceau que t'adores, c'est elle qui chante. Zara Larsson. C'est elle qui chante. Mais ouais. Ça, là. Et il fait quoi, David Guetta, alors, sur les morceaux? Il mixe, en fait. Il lève les bras. Produit. Mets-le un peu, ouais, il lève les bras. En fait, David Guetta, c'est le gars, franchement, on dirait toujours il y a un hold-up. Levez les bras, on dirait toujours il y a un truc, c'est pas moi, monsieur. Remets, c'est ça le morceau de l'Euro. J'aime bien, hein. C'est bien, hein. On le joue sur Virgin Radio, le morceau de l'Euro? Bah non, bien sûr. Non, on joue l'autre. On joue le morceau de France 98, Johnny Hallyday. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Il nous avait pas porté chance, hein, celui-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Ginger sur les réseaux. Non, mais tu te moques de David Guetta, mais c'est pas du tout, je l'adore. Difficile de mixer avec les bras levés, je suis désolé. Ah non, mais non, en plus, je moque pas, je l'adore. Non, mais c'est vrai, mais en plus, il fait des tubes chaque fois, je l'aime beaucoup, moi, David Guetta. Les amis, c'est parti, on y va, Pierre-Alex. Allez, c'est parti, Zara Larsson, donc, qui arrive dans un instant pour commencer la matinée. Bonne matinée à tous. À demain, 6h, ciao! Les meilleures places pour les plus grands festivals se gagnent sur Virgin Radio. Pierre Rock. Du 30 juin au 3 juillet à Marmande. 4 jours, 5 scènes, plus de 50 artistes pop, rock, électro, le groupe star Muse. Disclosure. Synapson. Flume. Feder. Dès que vous entendez Feder, suivi de Muse, envoyez un SMS au 71213, code Virgin Radio, et partez à Marmande voir sur scène Ready Muse. Vos passes pour Garo Rock se gagnent forcément avec Virgin Radio. Virgin Radio, la radio des festivals. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous, au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous, au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau, ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. Sachez que la gamme professionnelle d'imprimantes rapides et de haute qualité Maxify de Canon est à découvrir chez Bureau Vallée. Ah, ça va en faire gémir plus d'un. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'on est en pleine saison de...

Virgin Radio. Saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up.